Hello! Bon, je commence par les petits jingles. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blindcast. Aujourd'hui avec moi, comme d'habitude, j'ai Sixties qui m'accompagne. Bonjour à tous. Et comme on va être sur un épisode un peu particulier, spécial Maison de l'Horreur, j'ai invité des spécialistes des Maisons de l'Horreur, l'équipe de Monstres et Compagnie, c'est-à-dire Danny le Dingue. Bonjour. Isa. Salut. Et Chris. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu avant qu'on commence l'émission? J'ai envie de dire honneur, honneur aux dames. On parle de vous, mesdames. Mais à chaque fois, on me fait le coup, je me dis, j'espère que je passerai en dernier, et à chaque fois, bien, honneur aux dames. Alors peut-être horreur aux dames. Ouais. C'est circonstance. Donc Chris. Honneur aux dames, Chris, d'accord, ok. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Bon, alors Chris, si tu veux te présenter en premier, yeah. Vas-y. Chris, je suis un alcoolique avec un micro. Voilà. Belle présentation. Quel résumé. Ça sera mon épitaphe. Très bien. Dany, est-ce que tu veux te présenter toi aussi? Oui, alors je suis Dany. Je suis votre ami. Voilà. Si vous voulez être mon ami, je serai votre ami. T'as plus le droit d'aller devant les écoles, toi. Non, mais alors non, pas les enfants. On m'avait dit pas les enfants. Non. Mince. Non, moi j'aime faire peur qu'aux adultes. Bien. Et donc, bah, Isa, si tu veux te présenter, toi aussi. Moi c'est Isa. J'aime bien les films d'horreur, mais je sais pas si je connais bien les films. tu savais que c'était le principe de l'émission? Oui, je savais. J'ai fait des petits blind tests pour m'entraîner. Je me suis dit, bon, YOLO, on va faire. Le but, c'est de s'amuser, voilà, c'est pas de l'été. Exactement. C'est ce que disent tous les perdants. Non, c'est ce que dit tout le monde. Le but, c'est de s'amuser. D'ailleurs, c'est le but de l'émission, c'est qu'on s'amuse entre nous et avec les auditeurs après. Donc, on va peut-être commencer tout de suite par la première. Allez. On a été très sympa sur la première. Normalement, vous devriez trouver très rapidement. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice, mais il n'y a pas de piège non plus. Alors, comment on fait pour dire qu'on veut donner une réponse? Bon, tu réponds. D'accord, ok. tu lèves la main. Ouais, mais ça va pas être facile pour Chris. Il te donne la parole. Hop, voilà. Voilà. Non, vous répondez en direct et puis... Non, vous répondez dès que vous savez. On lance tout de suite la première. Encore une fois, il n'y a pas de piège. Et elle est de saison en plus. Thank you. Vous avez dit que c'était oui, facile. Mais alors attention, attention, attention. Il faut quand même dire le compositeur, parce que je tiens à quand même dire, je ne veux pas gâcher quand même la musique, donc je parle moins fort. Je tiens à dire qu'on en a parlé dans le premier épisode, qui n'est pas diffusé. C'est pour ça qu'elle est là. Et voilà, voilà. Donc je vais voir s'ils se souviennent, parce qu'on a enregistré ça il y a très longtemps, si Chris ou Isa se souviennent du nom. Oui, de la c'est Margot, Wendy. Non. C'est Wendy, bah, oui. C'est elle. C'est une compositrice. C'est elle, oui. Je me souviens. Wendy. On te voit, Isa, sortir ton téléphone. Pardon. C'est Wendy. Ah, oui, oui, oui, oui. Wendy, Wendy. Objection. Vas-y, pense à... au Big Bisou, tiens, ça va t'aider. Oh, j'allais le Wendy dire. Carlos. Big Bisou. Ouais, voilà, bravo. Voilà, bravo. Merci, Carlos. Carlos. Oh, les donc, Wendy Carlos, qui donc a travaillé sur Shining, mais aussi sur un autre film. Et ça, vous le saurez en écoutant Monstre et compagnie quand ça sortira. Voilà. J'ai hâte. Parce que j'ai oublié. Oui, on a oublié de dire qu'on est là parce qu'on n'est pas souhaité. On n'est pas des experts, c'est surtout qu'on prépare un podcast ensemble, tous les trois, très doucement. On prend notre temps parce qu'on veut pas se mettre la pression et que le podcast aura pour thème dans la première saison les maisons de l'horreur et c'est quand même c'est hard à subir quand même de se taper des tas d'œuvres culturelles sur un sujet aussi sombre. Et c'est pour ça que Emily Sixties, pardon, et Nostal nous ont conviés, nous ont invoqués aujourd'hui. En tout cas, merci pour ce premier point qui était, oui, facile. Oui, celui-là, il était offert. Puis ça fait toujours plaisir d'écouter la musique de Shining. Oui. Même si on n'a pas écouté. Non, c'est vrai. Mais par contre, les auditeurs auront le morceau en entier. Ils sont privilégiés. C'est oui, vrai. Toujours. Bon, Emily, tu veux nous résumer Shining maintenant? On essaye de reprendre. Est-ce que tu pourrais nous pitcher Shining? Alors, on est sur une famille qui part garder un hôtel pendant l'hiver, qui bien sûr est fermé pendant l'hiver. Et le père de famille, donc joué par Jack Nicholson, qui s'appelle aussi Jack, d'ailleurs, dans le film, s'avoue être un écrivain. Il se dit, bah tiens, je vais pouvoir écrire au calme dans ce grand hôtel. Donc voilà. Et il va se passer des petites choses dans cet hôtel, bien évidemment. Mais pourquoi c'est un hôtel de l'horreur, donc? Pourquoi ? Il se passe des choses, on a dit. Il se passe des choses. En fait, ils sont avec leur fils et leur fils a des visions. A des visions et il va y avoir... ils sont un petit peu seuls aussi, hein, je pense. Ah oui, et pourtant, ils ne le sont pas tant que ça. Très seuls. Ils ne le sont pas tant que ça. Ouais, ils sont seuls. Ils ont quand même le cuisinier qui est avec eux. Il part au tout début, le cuisinier. Il parle un peu avec eux, puis il s'en va. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que l'isolement dans la neige, dans ce magnifique hôtel d'ailleurs, qui existe. Oui. Ouais, il est magnifique. Et puis c'est surtout du Stephen King, n'est-ce pas, Isa? C'est, alors, c'est toujours le sujet un peu touchy parce que c'est un. Je crois que Stephen a passé très très longtemps à renier un petit peu justement cette adaptation. Oui. Qui est, alors, en fait, on va pas commencer le débat, est-ce qu'une bonne adaptation est un bon film ou est-ce qu'une mauvaise adaptation est un mauvais film. Mais en fait, il a passé très longtemps à le conspuer, et il a voulu faire sa propre adaptation, oui. Stephen King, et il a dû racheter les droits à Kubrick, qui a accepté en échange, pour une somme dérisoire, mais surtout en échange de sa parole d'arrêter de dire du mal de son film. Voilà. Et quand on voit le téléfilm réalisé par Mike Garris sur ordre de Stephen King... Alors c'est très fidèle, mais c'est très très chiant. Voilà. Voilà. T'as une heure où ils visitent. Enfin voilà, je me souviens, on a vu avec des amis, ils visitent. Alors ça, tu te retrouves littéralement dans le cellier. Donc là, il y a des boîtes de pommes de terre. Là, il y a des boîtes de tomates. Et quand ils commencent à dire, voulez-vous voir le premier étage, spontanément, on a tous dit, non, on veut pas voir le premier étage, non. Mais voilà, spontanément, non, je veux pas voir le premier étage, envoyez les morts tout de suite, ou c'est moi qui vais mourir. C'est horrible. Ah ouais. Non, mais il est super, parce qu'il y a plein de problématiques et tout. Et alors, Stephen King, comme il fait d'habitude... Stephen King, pardon. Il a ses marottes. Et puis Stanley Kubrick, il a les siennes aussi, et c'est la conjonction des deux qui est super intéressante. Mais c'est sûr que Stanley Kubrick, c'est toujours compliqué, hein, quand il prend quelque chose, il en fait autre chose, et ça, on l'accepte ou pas, c'est quand même un génie malgré tout. Ah oui, évidemment. Mais c'est vrai que bon, Jack Nicholson, dès le départ, tu vois qu'il a un pète au casque, quoi, alors que c'est quand même beaucoup plus subtil dans le roman, mais. Oui, en même temps, Jack Nicholson, quoi. C'est ça, déjà. Subtil, quoi. En tant que Kubrick, on dit que c'est un génie, c'est quand même, pour ses acteurs ou actrices, c'est pas toujours le plus sympathique des réalisateurs non plus. Non, c'est pas forcément une belle personne, ouais. Ça c'est clair, on est d'accord. Ah, ouais. C'est l'artiste. Mais il n'empêche que, voilà, une carrière comme la sienne. Il y a que Stephen King qui peut la critiquer avec suffisamment les épaules, même si au niveau cinéma c'est pas là où il a prouvé. Mais c'est vachement bien, Maximum Overdrive. Évitera de parler de Maximum Overdrive. Si tu compares Shining et Maximum Overdrive, tu fais écrouler tout mon argument là pour le coup. Si tu compares même Zombieaver à Maximum Overdrive. Oui, mais là c'est Private Joe, parce qu'on en a parlé avant l'enregistrement de Zombieverse, et du coup les auditeuristes ils se disent pourquoi Zombieverse il débarque comme ça. Je rappelle juste qu'on a fait un podcast avec Isabelle, j'allais dire Isa, mais c'est Isabelle, et oui, désolé, il y a la photo, il y a le nom dessus, alors j'y peux rien, j'ai dit Isabelle, avec Isa, Zombissima. Donc on a fait un podcast qui est disponible en flux indépendant, Zombie Folies, et donc vous pouvez aller écouter, et on parle de Zombieverse, de films d'horreur, mais en rigolant, quoi. Et puis on remettra ça un de ces quatre, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Ben oui, il faut de l'actualité, parce qu'on en a assez bouffé, là, des mauvais trucs. Il y a 24 ans plus tard qui va bientôt arriver, je pense que ce sera une émission spéciale. C'est une bonne idée, mais c'est vrai que c'est 28 ans plus tard. Ouais. Oui. Mais avec Cillian Murphy. Ouh, Peaky Blinders. Bon, êtes-vous prêt pour le second extrait? Attends, il y avait une petite anecdote par rapport à Shining. Anecdote. Il y avait l'anecdote de Sixty. C'est qu'à un moment donné, t'as l'actrice qui s'appelle Wendy dans le film, qui est chez les Duval. Chez les Duval, exactement. Qui monte les escaliers pendant une scène, quoi, enfin les escaliers de l'hôtel. Et la prise a été faite 35 fois. Oh. Et en fait, ça équivaut en fait à toutes les marches, tous les escaliers de l'Empire State Building. Voilà, ça c'est pour le. Ah, ok. Donc c'est une grande sportive aussi, hein, faut dire. Elle a vraiment morflé pendant le. Elle a morflé pendant le tournage. Pendant le tournage avec Kubrick qui l'a vraiment malmené. Donc voilà. En plus de ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Ouais, ouais, mais c'est dans la grande tradition du cinéma hollywoodien, avec ses Hitchcock, ses Kubrick, ces gens qui sont très sympas avec les femmes. Friedkin, probablement. Oui, genre. Friedkin, ouais. Non, c'est sûr. Ah, ça commence bien, déjà. On a un point. Bon, on a un point. On va rester normalement, tu vois, un presque classique, je pense. Allez, je lance. Poltergeist? Non. Non. C'est trop Prime Sautier. Le film est pas très Prime Sautier. Oui, des fois, dans les musiques de films d'horreur, de maisons de l'horreur, il y a souvent un décalage entre la musique. C'est pas le thème de début, hein. On est d'accord. Si, là, ça va être un thème de début. D'accord. Raté. Amityville? Non. Non. Il n'y a pas assez gamin qui chante. Amityville? Je pense que Amityville, on va le reconnaître tout de suite parce qu'il est très bizarre. Oui, c'est vrai. Vous aurez pas besoin de le reconnaître. Chucky? Ok, il l'a pas mis dedans. Salopio. Non. Non, c'est daté, hein, quand même. La musique fait dater, mais le film, pas tant que ça. Quand même. Ah ouais? Beaucoup moins que la musique. Beaucoup moins que la musique. Parce que la musique, elle se passe à la même époque que le film. Ah, ce serait pas le remake de The Haunting? Non? Oh la vache. Là. C'est pas Crimson Peak? Non. Non. On pourrait retrouver un peu l'ambiance Crimson Peak. L'Orphelinat? Non. Mais reste dans l'espagnol, t'es pas mal. Les autres. Monsieur Dany qui l'a trouvé. Les autres, ouais. Ouais. Les autres et... d'ailleurs, c'est le même compositeur que Crimson Peak. Non. C'est pas le même. Mais là, le réal, c'est aussi... Non, je parle du compositeur. Oui, mais justement, là, le compositeur, c'est aussi le réal. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Il a tout fait, là, sur le coup. Voilà. Amenabar, ouais. Ah oui, il a tout fait, il a écrit, je sais même pas s'il a pas joué dedans. Oh, c'est possible qu'il s'est mis un petit rôle, ce serait c'est pas possible. Le premier. Hein. Ah ouais. Apparition. Mais c'est, il est incroyable, ouais. Alors cette fois, je vais être obligé de laisser Emily vous parler du film parce que moi, celui-là, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, c'est vrai? Vas-y. Non. Oh. Bah c'est une version. Si tu l'as vu, mais sous d'autres versions, c'est puisque c'est bon. Allez, vas-y. Roddal. Bah donc c'est un film de 2001, on a dit de Alejandro Amenábar. Et donc l'histoire se passe en 45, donc on est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, et donc une femme ne retrouve pas son mari qui est parti au front pendant la guerre, et donc elle élève seule ses deux enfants, Anne et Nicolas, dans un grand manoir retiré, et donc les enfants en fait sont atteints d'un mal super super bizarre. Ils peuvent pas voir la lumière du jour, donc ils vivent reclus et voilà. Et la nuit. Et donc tout, c'est toujours dans une ambiance pareil. Dans ce film, il y a une ambiance hyper hyper clair obscur. En fait, on peut retrouver quasiment des très feutré, très clair obscur. Ouais, travail de la photo. Ouais, c'est très photographique en fait. C'est très très esthétique. Et moi, j'ai vachement aimé ce film. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Il y a un côté gothique qui est atténué par la modernité un peu de l'actrice, surtout, oui. Parce qu'elle est quand même incroyable. Et puis, c'est une adaptation de... Une des nombreuses adaptations, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, de Roddal, The Screw, je ne sais plus quoi. Comment ça s'appelle? The Turn of the Screw. Ouais. Alors là, ça, je pourrais pas dire, Dani. Non, je sais pas. Il me semble que c'est... Alors, je vous dis ça, je sors ma science, parce que je crois l'avoir lu dans Maison Hantée, spéciale de Mad Movie. Ouh, je l'ai pas, celui-là, dis donc. Il a l'air chouette. Ah, il est magnifique, en plus, il est cartonné et tout. Non, voilà, tu vois. Mais non, la caméra est de l'autre côté, Dani. Voilà, tu vois, donc un beau volume. Ouais. Et j'ai appris plein de trucs, je vous le recommande, ce bouquin. Il est bourré de films connus et beaucoup moins connus, et contrairement à certains des autres bouquins de Mad Movie, celui-là est plutôt bien écrit. Oh, bah ça change. Ouais, parce que celui de... Non, faut pas être méchant, mais celui de des zombies était pas terrible. Bah, il a eu deux mises à jour sur les maisons des zombies encore. Hein. Oui, certainement. Enfin bon, en tout cas, il était très moyen. Mais en tout cas, alors, vous voulez que je regarde sur Wiki pour voir si j'ai pas dit de la cochonnerie? Oh, si tu veux. Attendez. Ouais. Allez, Wiki, les autres. Et ça se trouve. Mais c'est vrai que c'est un thème. Ah, faut pas dire un peu. Faut pas on dire, peut pas déflorer comme ça le twist du pas. Film. C'est un film à twist. Ouais, parce oui. que le. Ouais. C'est ça, c'est un film à twist. Ouais, ouais. Je me souviens, j'avais pas abordé danse, le film hein. en ayant d'abord déjà connu le twist. C'est nul. Bah, c'est oui, c'est donc ça je confirme ça. C'est pas Roald Dahl, hein, j'ai dit une bêtise. C'est Henry James, Le Tour des Crous. Donc c'est une des nombreuses influences et enfin, c'est presque une adaptation quoi. Voilà. Ouais, c'est un... Voilà voilà et donc c'est un film. Chris et Isa, est-ce que vous l'avez vu? Oui. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Oui. Ouais. Oui parce que c'est pas un film de jumpscare. Hein. Non c'est très mystérieux. Bon après sur un thème qui est relativement connu finalement quand on sait. Mais justement, enfin, quand on connaît pas le twist, c'est plutôt bien amené ouais. parce que on a le doute. Voilà, ça met le doute. Bon, moi, je l'avais lu au hasard dans un article où comme dans ce genre de film où paf, il y a ça, ils avaient balancé le twist. C'est vrai que c'est. Cool. Oh ben, ouais, je vais quand même voir le film, mais c'est dommage. C'est un film donc qui parle de Nicole Kidman là, qui essuie un deuil. Et c'est vrai que ça pèse sur tout le film, c'est vrai. Il est assez bouleversant et en fait, moi, je retrouve par rapport à des peintures, je retrouve un peu l'univers de Rembrandt, D'accord. avec ses clairs-obscurs, avec ses petites lumières, parce que évidemment, il y a un jeu sur la lumière qui est incroyable. Parce qu'ils vivent dans le noir, d'accord, il y a une ambiance, etc. Mais c'est entre le sépia, c'est entre le ça fait vraiment des peintures à chaque plan, c'est vraiment on est vraiment dans une ambiance particulière quoi. C'est... Mais il y a une belle école espagnole oui, là-dessus. Oui, hein. Medabar, mais il est pas tout seul. Il y a notre copain, même à ses débuts, Del Toro oui. et tout ça. Ils ont un sens esthétique oui. qui est. Et puis Iglesias, ils ont un sens esthétique qui est net. Dans le film d'horreur, ils ont fait et leur c'est preuve, des gens quoi. Qui s'entraident, en plus, que ce soit Iglesias, Amenábar, Del Toro, même Almodovar, finalement, oui. participent beaucoup à tout ça. Ils se soutiennent, ils s'entraident. Comme Balaguero, ouais, un petit peu après. Ouais. Non, franchement, même les séries qu'on voit fleurir sur les plateformes, souvent, c'est de belles factures. C'est pas forcément... ultra intéressant, mais il y a des superbes choses. Non, il y a des bonnes choses à découvrir dans le cinéma espagnol. Ouais. Et on n'a pas fini. Bah non, j'espère pas. Je pense que on va y travailler, nous, en tant que podcasteurs chez Galaxy Pop, on va y travailler à justement creuser ce cinéma et cette culture de l'horreur et du fantastique qui n'est pas... où les gens restent en surface en général. Ouais. Mais on va essayer de dénicher des trucs et puis avec le chat qui fume, par exemple... Des maisons d'édition qui ressortent des tas de pépites justement dans le cinéma d'horreur espagnol. Ils ont sorti tout un truc sur les Templiers zombies. Oui. Oh là là. Oui, alors les Templiers zombies, c'est particulier. C'est pas fou. C'est pas fou, mais ça a marqué le cinéma. Une série espagnole, histoire pour ne pas dormir, qui était revenue il y a une dizaine d'années avec des films de la Iglesias, Balaguero et tout ça, qui était très très bien. C'est là qu'ils faisaient leurs armes. Hein, ouais, celle-là, elle était faite juste après Master of Horror. C'est une version de Master of Horror espagnole. C'était très très bien. Espagnol. Ah ben d'accord. Tu saurais pas le dire en espagnol, Master of Horror. Non, mais par contre, la série, c'était Historia parlera nous dormir. Pas j'ai mal. Un accent espagnol de merde. Hein, j'ai fait allemand, moi. ça se voit. Ça s'entend. Oui, parce que ça se voit, non. Non, voilà, ça se voit pas, ça s'entend. Non. Bon. Et pour la petite anecdote, donc quand Les Autres a été projeté pour la première fois, c'était dans un multiplex aux États-Unis et juste à côté, il y avait la projection de Jurassic Park 3. Et du coup, le réal, il était en mode stress parce qu'il s'est dit putain, s'il y a des cris de dinosaures là dans mon dans mon film, qui a vachement de silence, ça va péter l'ambiance quoi. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé apparemment, il s'en est vachement amusé. Ça m'a fait rire comme le truc très calme et Jurassic Park 3. Il nous faut un jingle 60s pour ton anecdote. Ah oui. Bah ouais, j'ai pas ça sous le coude à la limite, je peux toujours mettre ça. Est-ce que c'est pas mal. L'anecdote de 60s. Ah si tu veux nous la chanter à chaque fois, Dani. Ouais, Chris. Et j'ai pas ces anecdotes tout le temps. Hein. Ah merde, Chris. Oui. Isa. Oui. À 3. L'anecdote de 60s. 1, 2, 3. L'anecdote de 60s. Ah, putain. Non, non. J'ai choisi la meilleure. Hein. C'est bon, tu l'as. La synchro, c'est pas notre truc. La meilleure anecdote. Non. Non, non là, c'est une chanson au canon, c'est pour ça. Voilà. Enfin, il n'y a qu'un seul canon, c'est Isabelle, hein, faut l'admettre. Hein. Oh. Allez, go, bon. Go, on a 2 points. Allez, 2 points, on part pour la suivante. On est dans un peu plus récent. Et ça va être la dernière des très faciles à trouver. Oh putain. Oh merde. Non, bah attendez, vous en êtes bien sortis jusque-là. Par contre, elle est courte, la chanson. Ah ouais? Et là, c'est pas le thème. C'est pas Sinister, un truc comme ça, non? Pas loin. Non. Ah, j'ai... Insidious. Si c'est pas Sinister, c'est Insidious. C'est pas loin d'Insidious non plus. Ah, merde. Conjuring. Conjuring. Oui. Conjuring. Bien, Isa, c'est Conjuring, cette fois. Alors, est-ce que vous avez le numéro pour être c'est précis? C'est vrai. Bah, c'est pas le 3. Premier ou avec la boîte... Non, je dis de la merde. Autant pour moi. C'est bien celui avec la boîte à musique, mais du coup, c'est le deuxième. Ouais. Oh, il y en a pas eu 3, si. J'espère, non? Si, il y en a eu 3. Si, et je pense même qu'il y en a eu 4. Et après, il y a eu les Annabelle et la Nonne, enfin, ils en ont dérivé beaucoup de Conjuring. Mmh. Ouais. Elle est jaune d'ailleurs, je crois, la Nonne maintenant. Jaune la Nonne? Oh putain! Oh la vache! il pique, c'est là! Dany, c'est le seul à pas avoir bu. Hein. On dirait pas! Donc oui, il fallait bien de trouver Conjuring 2 de James Wan. Ok. Bon, c'est encore 60s qui va vous faire le résumé, tiens. Ah bah allez, c'est parti. Ah cool. Donc la musique, c'est de Joseph Bichara, déjà. Et c'est un film de 2016. Donc ça, c'est assez récent quand même. Et donc on est sur un... Donc on est dans le 2, donc on est sur un couple. Lorraine et Ed Warren, les deux Warren, pour le premier. Et donc, ils sont spécialistes des forces occultes et ils enquêtent sur des meurtres. Et donc là, ils sont en banlieue de Londres et ils prennent une affaire où une petite fille de 11 ans est possédée. Et en fait, ils se rendent compte que l'entité qui est à l'intérieur de la petite fille, en fait, il connaît le couple d'enquêteurs. Et donc, ça va un petit peu se compliquer. Oui, et puis il n'y a pas qu'un démon, en fait. Donc, assez flippant quand même. On est sur un phénomène de TDI là pour le coup, trouble dissociatif de l'identité. Non, là il y a des possessions, mais il y a plus qu'un démon. Ils agissent en coloc. C'est une coloc, c'est à peu près ça. C'est voilà. Si vous voulez savoir la démonologie, notre expert c'est Chris. Parfait. Les colloques de démons, il en connaît quelques-unes. Oh, oui. Ils appellent ça du jeu de rôle chez eux. Ah, je croyais juste qu'il avait des enfants, moi. Hein? Non. Oui, aussi, mais bon. Non, ceux-là, c'est... Non, ils sont gentils, ceux-là. Voilà. Alors, et vous, est-ce que vous avez vu? Alors, non. Blumhouse, c'est Blumhouse, hein. Je ne pense pas que ce soit Blumhouse, les Conjuring. Ben. C'est pas Blumhouse, c'est James Wan, mais je crois pas qu'il soit chez Blumhouse. Tout seul? D'accord. Et James Wan, c'est quand même quelqu'un à suivre, je pense, pour tout ce qui est horreur, soit les Death Silence, tout ça, c'était vraiment très bien. Death Silence et Death Sentence, pardon, j'en ai mixé deux. Mm. Mais Death Silence, c'est extrêmement bien. C'est avec la marionnette magnifique. Ouais. Et Death Sentence, c'est avec Kevin Bacon. Ouais. Oh, j'aime bien les Conjuring, moi, ça se laisse regarder. En fait, voilà, je regarde ça mollement, sans me prendre la tête. Le deuxième, bon, bah, comme tout chieur, j'ai dit, mais c'est basé sur le cas de Enfield, hein, qui était un fait divers qui s'est passé en Angleterre. Et j'étais un des rageux qui a rien à faire de sa vie, qui râlait parce que oui, mais les Warren, ils sont restés qu'un après-midi, ça a rien à voir, tout ça, machin. Et après, je me suis dit, ma grande, tu vas te calmer. Donc j'ai apprécié le film tranquillou, voilà. Donc c'est pas ma. Il y a eu plusieurs adaptations hein, de l'affaire Enfield. C'est pas ma préférée. À la limite, je préférais la série téléfilm de la BBC. Qui a été fait il y a quelques années, qui retranscrivait mieux pour moi en fait l'ambiance en fait hein, Angleterre années, je pense que c'est les 60-70, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le début de la crise industrielle en Angleterre. Bon, je trouvais ça beaucoup plus. Ah oui, on plus, est loin de. Je trouvais ça beaucoup plus sympa. On est loin du Kentucky. Oui, assez. Mais bon, ça se regarde gentiment, mollement, je trouve ça sympa. Ouais, bon, c'est... Moi, j'aime bien aussi les Conjuring, hein. Je trouve que ça passe bien. Mmh. Ouais, ça... J'ai vu des films plus nuls, que ce qui a suivi, hein, La Nonne ou Annabelle, c'est quand même bien plus nul que les Conjuring. La Nonne, c'est pas ouf, hein. Non. C'est clair. Ah là là, l'anticléricalisme nous guette, hein, je te jure. Ça fait longtemps qu'il est installé, ici. Ah, j'ai arrêté de prendre feu en reprenant les églises. Et y a pas d'anecdote. Ah, bah c'est bien. Hein? Tu rentres dans les églises, ouais, ça y est. Je prends plus feu quand je rentre dans les églises. Ah, c'est bizarre comment t'as fait. T'as trouvé une combinaison spéciale. Ouais, un truc comme ça, je sais pas. Il se roule dans le bénitier. Alors, depuis que tu fais du podcast chez Galaxy Pop, tu es. Oui, c'est ça. Tu es absous. Ça doit être ça. Voilà. Tu es absous, hein. Donc, Galaxy Pop vous absout de tous vos péchés. Exact. Bah, dis donc, qui c'est qui nous a fait un jingle très catho? Qui dit que c'est bon pour l'âme, c'est toi, Nostal. C'est exact. Il sera utilisé dans cet épisode, d'ailleurs, tiens. Ouais, c'est celui où il y a « Viens sur ton chemin », là Oui, je crois que c'est toi qui me connais « Viens sur ton chemin » par-dessus. Parce que je me suis... Mais qu'est-ce que je me suis éclaté avec vos jingles. Maman, c'est bien, on va peut-être en faire une fournée, un de ces ouais, quatre. Ouais, c'est sympa à faire. Oh, allez-y. Faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, vous en êtes à 3 points, donc vous voyez, et vous n'êtes pas si nul que ça. On lance la petite anecdote. Ah oui, il faut faire l'anecdote de 60s. Alors, la petite anecdote pour ce film, le compositeur, donc Joseph Bichara, et ça fait 6 fois qu'il collabore avec Tatouane, justement, et il a entraîné Patrick Wilson, donc Ed Warren, a joué à la guitare où il joue Elvis dans une scène. Dans une scène, il joue Elvis. Il joue un morceau d'Elvis, et c'est le compositeur lui-même qui a entraîné sympa. À jouer à la guitare. Je trouve ça sympa par rapport au thème du Blindcast. Ouais, c'est rare que le compositeur soit sur le tournage déjà. Soit impliqué, ouais. Exactement. Soit impliqué dans le cours du tournage, et là, a priori, très en amont, effectivement. Bah oui, parce qu'en plus, moi, je savais pas non plus, mais ça faisait six fois qu'il bossait avec lui pour faire des compositions. Oui, il a dû faire tous les films à part Saw, je pense. Oui. Donc ça doit être un grand pote. Et donc, il doit pouvoir être là tout le temps. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Ouais. Voilà, on reste dans la thématique. Il est toujours là. Il est possédé avec eux, voilà. Bon, et ben en tout cas, vous en êtes à 3 points. Donc c'est pas mal, 3 sur 3. Arrête. 3 sur 3, bravo. Oh ouais. Putain. Et dans une demi-heure, bon, vous en êtes à 3 points. Mais non. Il y en a au moins une dans les derniers que vous retrouverez facilement. Ah bon. Voilà. Espoir au bout du chemin. Je vous en dirai plus quand on y sera. Bon, on va lancer la quatrième, d'accord, du coup. C'est fini. Mmh. Ah ouais. C'était. C'était. Comme elle disait, c'était court, mais bon. Alors, donc, ça se... C'est ce qu'elle disait. Ça m'a fait penser à 13 fantômes, mais ça doit pas être ça. Non. J'ai failli mettre 13 fantômes dans la liste, mais non, c'est pas ça. C'est un poil plus qualitatif que 13 fantômes, quand même. Oui, je vois bien un petit indice. Alors, un petit indice, on va dire, qui sort des méta. Sentiers battus. C'est un film. Ah, c'est pas Cabin in the Wood. La cabine dans les bois. Voilà. Oui. La cabane dans les bois. Je l'ai dit avant. Cri-cri-cris, je l'ai dit avant. Je l'ai vu en plus il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Ouais, donc il s'agissait bien de la cabane dans les bois. Encore un réalisateur qui, a priori, n'est pas super avec ses actrices, Josh Whedon. Josh Whedon n'est pas le réalisateur attitré de La cabane dans les bois, c'est Drew Goddard. Non, c'est Drew Goddard. Il a scénarisé un peu. Il a dû faire 2-3 scènes de reshoot comme il fait souvent, mais voilà. Mais ouais. Oui, il semblerait que ce soit un connard aussi. Dessus. Bon, en tout cas, le film est super. Franchement, un film à twist aussi. Un film réalisé par un connard, mais bon. Mais après, quand je trouve un film twist, je l'ai revu il y a pas longtemps, et je trouve c'est pas exactement un twist. Enfin, c'est juste que tu mets un peu de temps à comprendre. Oui. À comprendre le truc, à comprendre comment ça s'emboîte. Ouais. En fait, le twist, tu te mets tout seul en partant mentalement dans une direction, alors qu'en fait, le film ne te l'indique pas, cette direction. C'est toi qui dis, ça va se passer comme ça, et le film, tu dis, non, en fait, c'est moi qui décide. Et non. Oui. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré la fin. La fin est géniale. Quand je disais film à twist, en fait, je pensais à la fin. La fin est géniale, quoi. Mmh. Je m'y attendais pas du tout. Non, ça. Tu pars sur. Les dernières 15-20 minutes, elles sont terribles. Ah oui, allez, on lâche tout! C'est littéralement non, même les dernières secondes quoi tu mais dis on, ah ouais ok on peut spoiler ou pas alors ou pas non, spoiler non, le film est encore récent on spoil des fois les vieux mais les récents parce que enfin sans dire pas dire pour moi le plus gros twist c'est l'apparition d'une certaine actrice que je voyais plus du tout arriver. Ah oui oui voilà c'est tout ce que je dirais. Voilà. Ah bah si, il peut, non ? Oui, c'est sur Facebook. Ah bon ? Ah oui, là c'est du... Oui. Voilà, arrive qu'à la fin. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Voilà. Puis forcément, tu l'as pas fait... Donc. Ah, elle est là ! Mais il n'empêche que, effectivement, c'est un film qui est pas aimé. Hein. Ah ouais. C'est dommage. Il est rarement cité dans les trucs. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être plus méconnu que mal aimé. Si, il est connu. Non, il est très connu, mais je sais pas. Peut-être parce qu'il fait pas assez. Je sais pas. Il mélange les genres et. Peut-être aussi le côté, c'est un film de gros malin. Alors des fois, ça agace un peu aussi les films de gros malin des fois. Il y a un côté une nuit en enfer, tu vois, un petit peu. Ça part sur un truc et puis derrière, paf. Les gens ne méritent pas ce film en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec Chris. Ou ça, tu l'as breveté celle-là ? Je peux la prendre. Ils ont qu'à retourner voir elle est magnifique. Les gens, et puis c'est Ah ouais, non, mais je trouve que ça change un petit peu tirade. Justement de ce qu'on peut voir. C'est original quoi. Et puis pour un amateur de films d'horreur, tu te régales. Il y a tellement de références que tu te régales et t'es baladé dedans. Ouais, mais moi je voulais un spin-off sur des références aux films des années 50. Ça serait tellement bien. Ceci dit, il y en a déjà qui existent de manière rattachée au film, mais c'est déjà là. Ouais, mais tu vois, il y en a d'autres qui veulent faire un peu tous les monstres et tout ça, et qui se plantent complètement, ou qui sont des comédies. Et puis là, on n'est pas dans la comédie. Tu y es un petit peu à certains moments, ça dépend. Plein de films du même genre qui étaient sortis au même moment où ça tournait un peu en révision, et La cabane dans les bois. D'un coup, c'est là, non, en fait, je suis sérieux, pardon. C'est ça. Je joue encore avec le dôme, la moto. C'est ça. Oh putain, la musique, elle est trop bien à ce moment-là. En plus, le truc épique et pouf. Et c'est un film qui me fait regretter parce qu'en fait, là, j'essaie de retrouver des exemples, mais il y a plus de films qui sont en fait des festivals de monstres comme ça, un peu comme il y avait dans le Cabal de Clive Barker. Avec Waxworks. Mais ils avaient créé ces monstres. Ouais, voilà, avec plein de monstres différents dans le film, ça, il y a plus. Hein. Bah, ça devient vite la foire à la saucisse. Oui, mais c'est quoi, Clive Barker. Ouais, mais maintenant, faut choisir, tu choisis ton monstre, et en général, ça influence un petit peu le contenu du film. T'avais Van Helsing aussi, où t'avais plein de monstres, c'était bien. Ouais. Ah, il y a un 2, pareil, qui va, non? Je suis pas sûr qu'il y ait un 2. T'es pas sûr? Ouais, parce que alors, faut se faire... Alors là, il y a un truc, je vais... Coup de gueule. Oh, putain. Coup de gueule, j'en ai marre parce qu'il y en a plein de petits malins sur YouTube et maintenant avec les intelligences artificielles, ça devient encore plus simple, qui te balancent des fausses bandes annonces et elles sont de plus en plus bien faites, oui. Là. Ça fait 15 fois que je me fais avoir par I Am the Legend 2. J'en ai marre, moi. Moi, je suis un jambon, moi, j'y vais direct. J'ai envie de voir I Am the Legend 2. Moi, j'adore le post-apo, et s'il y a un petit peu de zombies dedans, c'est pas mal aussi. Mais bon, effectivement, j'ai vu Van Helsing 2. Après, il y a peut-être eu un espèce de gros bis bien pourri de Van Helsing 2. Ouais. Il y a bien eu un Titanic 3. C'est possible. Il y a celui qui est dans l'espace. J'ai eu un 2. Oui, celui qui est dans l'espace. Tout à fait. Ouais. Ouais, mais là, c'est irregardable. Hein. C'est, ah, tu. Avec quelques shots. C'est super. Oui, voilà, c'est ça. Bien bourré avec des... voilà, bien bourré, ça passe. Bien bourré avec des potes, ce genre de truc, c'est voilà. Mais oui, mais ouais. Toi, t'as on dirait que t'as plein de potes à la maison, puis en plus t'as une femme qui est hyper geek. Miss Taniguchi, elle est geek, mais pas à ce point-là quand même. Hein, là, c'est plus geek, là, c'est masochiste, le terme exact. J'ai su que j'avais trouvé la bonne le soir où je suis rentré du travail. Il m'a fait, est-ce qu'on peut se regarder Virus Cannibale? J'ai fait, c'est bon. Ah oui, effectivement. Ça va. Voilà, ah ouais. C'est bon, je fais ma vie avec. Ah ouais. Voilà. Tu vois, sexy, j'en profite. On peut regarder Virus Cannibale, non? Merde. Ah bon? Hey, tu lui en as fait voir. Tu lui en as fait voir. Oui. Non, il y en a un que je reverrais bien, c'est Team America, tu vois. Je sais pas pourquoi. Oui, Team America, oui. Ah ouais. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Non, effectivement, mais t'as peut-être une anecdote. Je crois que c'est un des premiers films qu'on a fait en podcast, justement. Ouais, c'est le premier qu'on a fait en podcast. C'est le premier qu'on a fait en podcast, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais. Ah, et vous fêtez votre anniversaire de podcasteris quand, alors? J'en sais rien. Je sais même plus quand est-ce que c'était, moi. Bah, c'était... Regarde à l'intérieur de ton alliance, ça doit être marqué juste mais à non, côté. Non, ça c'est le mariage. 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais, ça doit faire 6 ans, ouais. Ouais. 6 ans. Et c'est les noces de quoi en podcast? Les noces de bonnette. Les noces de bonnette, voilà. De micro HD. Ah, c'est cool. C'est bon, cool. En tout cas, vous en êtes à 4 victoires quand même. La dernière a peut-être été laborieuse, mais vous l'avez trouvée. Ouais, moi je suis à mon maximum. Mais non, tu vois, je suis sûr que la prochaine, vous allez la trouver. Et vous voulez une anecdote? Oui. Ah bah, faut refaire le jingle. Ah bah non, c'est vrai. Chris, chacun son tour. Allez, Chris, c'est toi qui fais le jingle. Maintenant, l'anecdote de Sixties. Waouh! Propre. Oh. J'avoue. Ah, oh. Oh, ouais. Oh, j'ai les T'as la bonnette tout ébouriffée, Dani. Hey, t'as vu ma bonnette? Elle s'est dressée attention, quand elle a entendu. Les auditeurs ne voient pas. Bah, ça tombe bien, j'ai pas vu ton micro. Oh non! On voit pas il fait non plus. Il fait un peu frais d'ailleurs. Oui, c'est un peu frais, ouais. Donc en fait, l'anecdote, c'est que le scénario, il était aussi top secret pour les acteurs. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont caché, en fait, ils ont aussi twisté les acteurs aux auditions. Ils leur ont fait croire que c'était, je sais plus, il y avait des ptérodactyles. Qu'il y avait des tentacules dans des baignoires, etc. Enfin, que c'était un film qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de passer l'audition, quoi. Donc, tout ça, c'était, c'était top secret, quoi. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et on ne sait pas sur le tournage. Ouais, on ne sait pas sur le tournage s'ils ont eu le vrai script. Bah, je pense qu'ils ont le vrai script, mais pas tous, à mon avis. Ceux qui dégageaient avant le twist final, ils n'ont pas dû l'avoir. Et il y en a, ils pensaient qu'ils tournaient à Bergman, tout ça, ils étaient un peu surpris. Ouais. Enfin, il y avait Thor, il croyait que c'était Thor 4 et... Ah, il est dedans. Oui, il y a Chris Hemsworth qui joue dedans. En fait, il joue pas si mal ce couillon quand il est pas dans Thor. C'est ça. Ouais, bah Thor c'est un personnage burlesque donc il en fait des tonnes. Ouais, non, mais... Bon, on va pas parler des Marvel. Ok, pas de soucis. Donc, on attaque le prochain? Hell yeah. Yes, allez. Oh, bah ouais. Allez. Allez, on est encore sur du classique. Le salopio, il a pas pris les thèmes. Si, si, c'est le il thème. A pris des trucs au milieu. C'est le thème. Alors, j'en ai aucune idée. Bon, ça se la pète. Je serais surpris que vous l'ayez pas vu celui-là. Mais... Je pompe, pompe, pompe, pompe. Oh, c'est pas Evil Et Dead si, non. Oui, bien oh, Dani. Non, oui, c'est Evil Dead. Ah, non, oui, le pire, oui, c'est oui, oui. Sam Raimi quand on parle de Spawn. Bah oui, c'est oui, ça. Bah, oui, bah d'ailleurs, c'est le réalisateur de Sam Raimi qui a fait plein de films et dont tous les Evil Dead d'ailleurs. Les Evil Dead c'est. C'est pas le réalisateur, le compositeur. C'est pas Elfman pour les Evil Dead. C'est Joseph non, Loduca. Non, non, c'est Loduca ouais. Et il a fait tous les Evil Dead. Ouais, ouais il a ouais, fait ouais. Les Evil Dead, la série et je crois que Darkman oh, c'était. Il en a fait plein. Ouais. C'est un pote à Sam Raimi, hein, ça c'est clair. Oui, tu retrouves plus Darkman oui, d'ailleurs. Oui, je trouve. Moi, ça me fait penser à Darkman. Ouais. Ah bah oui. Ouais, ouais. Ah ouais, Evil Dead, la folie. Voilà, et là c'est le 2 pour être précis. C'est Evil Dead 2. Oui. Voilà, c'est le 2, c'est pour ça que j'avais du mal, parce que le 1, il était il est moins grandiloquent, mais pas autant. Oui, ben oui. Moins. Le 2, il y a plus de moyens. C'est ça. Budget, puis il est plus éthique. Bah oui, bah ils, quoi, ont pris le, ils ont pris tout l'orchestre, là. Bah mais là, j'avais limite ouais, l'image ouais, ouais. De la Batman dans les yeux, quoi. Exactement, oui. C'était un peu ça. C'est un peu le Danny Elfman de Sam Raimi, le Luca. Ah, puis c'est dans le... Mais super. C'est dans le 2 que Bruce devient vraiment action-héro, on va dire. Qu'il est un peu moins passif, toujours très con, mais moins passif. C'est ça. Ouais. Mais, ouais. En fait, il y a une légende qui dit, alors c'est peut-être pas une légende, je dis peut-être de la merde, mais qui dit qu'il a voulu retourner Evil Dead dans Evil Dead 2 et que c'est un peu le même film, mais avec ce qu'il a pas ouais. pu mettre. Non, ouais. C'est exactement ce ça. C'est pour ça qu'Evil Dead 2 ressemble beaucoup au premier. Il a fait la même avec Spider-Man. Hein. C'est comme Wentworth 2. Ouais. Oui. Oh mon dieu. Oh my god. Ouais, mais là, Ouais, en tout cas, c'est... Ouais, bah merci, hein, parce que c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on se dit, on va faire un podcast sur les musiques de Maison de l'Horreur, et on se retrouve avec des musiques qui reflètent pas vraiment l'horreur, quoi, pas quelque tous, part, non. Dans les thèmes. Mmh. Pas tous. Alors, au milieu, t'as toujours des petits trucs un peu... Oui, oui. Mais le thème, moi j'ai révisé, hein, je t'avouerai, j'ai révisé avant hein, quand même, je vais pas avoir l'air ridicule, mais celui-là j'avais pas révisé, et j'ai été super surpris quoi. Pourtant tu as Maison de l'Horreur et Evil Dead, on est dedans. Ouais, exactement, ouais. C'est bah, une autre Cabin in oui, the oui, Wood. Oui, bah, c'est la Cabin in the Wood originale, d'ailleurs c'était le titre original voilà. Du premier Evil Dead, Cabin in the Wood. Ah bah tu vois, et donc là, en fait, à la fin, si tu veux bien, comme toi t'as toute la liste, on regardera le type de maison que ouais. Tu as mis en fonction des tout films. Comme ça, ça nous fera un panorama, et ça rentre en résonance avec l'épisode mmh. qu'on a réalisé, qui sortira un de ces quatre, on attend d'être bien, là, tout ça. D'ailleurs, ce soir c'est une réunion, hein, comme on... voilà. Ce soir, on fait réunion Monstres et Compagnie. Alors, l'ordre du jour. Donc, si vous pouviez nous laisser maintenant. Bon, bah, écoutez, on s'en va, on voudrait pas déranger. Mais est-ce qu'on voudrait, revoter les statuts, là, s'il vous plaît? Ah mais non. Est-ce que on pourrait avoir un pitch? Parce que moi, je me souviens plus du tout d'Evil Dead 2. Ah oui, oui, bah, c'est Sixties qui va vous faire le pitch, encore une fois. Mais non, c'est toi. Alors, tu l'as pas vu, Sixties? Si, on l'a vu ensemble. Elle a eu du mal à m'écouter quand je disais qu'il fallait le voir Evil Dead 2. C'est vrai que t'as bien pourtant, fait. Il est excellent. T'as bien fait d'insister. Bah, alors, on va pitcher vite Evil Dead 2, tu vois, c'est Evil Dead 1, mais sous stéroïdes. Oui. Et ben... Voilà. Ah oui, c'était ah bah, rapide. Oui, c'est ah ce ouais. que dit Emily souvent. Même ton pitch, il est sous stéroïdes. Non, en gros, c'est une bande de jeunes qui est plus si jeune que ça, finalement, dans Evil Dead 2, qui va dans une cabane, qui découvre un livre écrit dans une langue ancienne, et une bande magnétophone à côté. Et qu'est-ce que tu fais quand tu trouves une bande magnétophone et un livre écrit dans une langue ancienne? Tu lis le magnétophone. Tu le mets en route. Mais du coup... Ah, tu lis le magnétophone? Tu mets le magnétophone en lecture. D'accord. Et okay. Du coup, bah, tu réveilles les démons qui sont tout autour. Et quand tu comprends que t'as fait une connerie parce que le livre était en sang, écrit en sang et relié en peau humaine, il y avait un indice, et bah t'es déjà dans la merde. Mm-hmm. Voilà. Déjà, et, pourquoi on va à la cave, voilà. Déjà, pour commencer? Non, déjà, la cave, ils y vont pas dès le départ. Ils y vont après, non, quand non. Ils ont balancé des feuilles et qu'ils disent, merde, on va en avoir besoin. et oh, bah mince alors, c'est encore une histoire de Lovecraft. C'est pas une histoire de Lovecraft, mais c'est quand même le Necronomicon. Il y a le Necronomicon, tout à fait. Et bah, ce oui. qui est réveillé peut être vu comme un grand ancien, finalement, parce qu'on le voit jamais réellement dans le film, ce qui est réveillé. Ouais. À part un tout bah, petit ça peu. Ça fait la un fin. Peu écho. Ouais, ça fait un peu écho aussi à la couleur tombée du ciel, avec le côté, tu vois, rural. Oui, bah, le côté perdu en pleine forêt, oui. Bon, on le retrouve assez souvent chez voilà, Lovecraft enfin, aussi. Le côté déformation ouais, ouais. aussi. Ouais. Mmh. Ouais, body horror. Par mmh. contre, le côté ouais, ouais. possession, c'est pas tellement ça. Non. Oui, mais alors, côté science-fictionnel, parce qu'on a une nouvelle de Lovecraft où il y a une possession, bah, justement, ouais. mais... Après, t'as aussi la nouvelle réanimateur, où t'as des zombies qui apparaissent, mais... Oh. Oui. Ah, non, c'est sûr. Ou From Beyond oui. de Brian Huston. Tiens, je l'ai ouais, jamais lu, c'est... mais je l'ai vu récemment. C'était trop, très très bien ce film. C'est chouette. C'était bien, hein. C'est dégueulasse la comme il faut. La glande pinéale, là. Ouais. Vas-y, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Lovecraft sur Galaxy Pop. On va encore se faire engueuler. Ouais, ça va fâcher. On va se faire engueuler encore. Et From Beyond, je crois qu'il est sur Amazon Prime en ce moment. Si t'as l'occasion, faut le voir. Okay. Ouais, il faut le voir. Est-ce que vous vous souvenez, moi j'ai un souvenir très frais de quand j'ai vu Evil Dead 2, figurez-vous. Je l'ai vu, j'étais en vacances aux États-Unis, je l'ai vu en double programme avec Predator. Ouh, c'était joli. Un petit c'est pas sorti je pense au même moment en tout cas. Non, j'étais avec une nanette qui était ma voisine et puis qui m'avait daté et puis on était allé voir ça. Oh là là, c'était vraiment ma soirée américaine, quoi. C'était excellent. Attends, tu dis Predator? Le 1? Oui, mais non, mais c'était une soirée, tu sais, Midnight Movie. Ouais, mais si, en fait, ça, les dates correspondent. Si, en fait, ça pourrait être possible. C'est ouais. vrai? C'est... Ah, bah, tu vois, je l'ai vu en anglais dans le texte. Un an ou deux près, ça doit être. Avec bon. Une américaine, avec moi. Ça va, bon. C'était... T'as peut-être pas besoin des sous-titres pour suivre. Non, c'est vrai. Gueule de chopeau! Mais c'est vrai que les deux films sont très très pas différent. Voilà, c'est vraiment. Mais quand même, la même soirée, voir deux chefs-d'œuvre comme ça, moi j'ai. C'est été, une belle soirée, je pense. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Ah bah, tu m'étonnes. M'étonne. Bon, en tout cas, vous voyez, 5 bonnes réponses sur 5. C'est pas mal. Ah merde. Vous avez déjà au moins la moyenne. Yes. C'est bon, vous êtes sauvés. Bon, et je vais rien vous cacher, mais là, on va attaquer le dur. Ah, ok. Bon, vas-y. Jusque-là, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est ce qu'elle dit. Non, d'habitude, ça, c'est moi qui le dis quand même. Et après, on me dit, t'es sûr. Bah, vas-y, allez, vas-y, t'es dur. Fais-moi mal. Ah, t'es bien dur, là. Je te sens bien dur. Ah, oui, tu peux avoir honte, Dani. Bon, j'allais dire j'en vois, mais non, j'en vois pas, je lance. Non, lance pas non plus, lance pas. Mais en lecture, je mets en lecture le magnétophone, voilà. Quand il va se réécouter, il va se dire, mais pourquoi j'ai dit ça. Allez, c'est parti. Vas-y. Oh, ça c'est italien ça. Et non. C'est pas le thème, si? C'est le générique. C'est générique. C'est ton excuse à chaque fois, hein, c'est pas le thème. Oui, c'est vrai. J'essaye, tu vois, de prouver que c'est un salopio. Mais non, il est gentil jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. C'est pas fantôme contre fantôme. Bravo, Dani. Bien. Oh, putain, parce que, justement, fantôme contre fantôme, il y a un côté Danny Elfman. Bah, c'est Danny Elfman. Eh ben, c'est Danny Elfman. Voilà, tu vois, mais il est moins prenant que Tim Burton, tu vois. Et souvent, je le confonds avec Beetlejuice, tu vois. Oui, ça peut. Ouais. Mais Beetlejuice démarre beaucoup plus vite et plus punchy. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui m'a mis dans le truc. Je me suis dit, c'est de l'Elfman, ça, mais il est vachement doux, ce Elfman. Ah ouais, super film. Excellent magnifique film de Peter Jackson. Voilà, ouais. Le premier film américain de Peter Jackson. Ouais. Un chef-d'œuvre. Un excellent film. Avec Michael J. Ouais, Fox. Je crois que c'est le dernier film cinéma de Michael J. Fox aussi. C'est bien possible, c'est bien possible. Et avec aussi dedans Jeffrey Combs, qui est exceptionnel là, dans ce rôle-là. Ah bah oui, bah tiens, on en parlait, il joue bien, il joue pas dans Réanimateur. Si, dans Réanimateur et dans From Beyond. C'est ça. Mm. Et ouais, il était au c'est top. C'est un habitué de Lovecraft, Jeffrey Combs. Oh ah oui, celui dont on ne doit pas nommer sur Galaxy. Bon, on va dire qu'il a aussi joué avec Christophe Lambert, alors ça va. Ah, mon dieu. Je veux pas savoir dans quoi. Bah si, c'était... C'était le truc en prison, j'ai Fortress. Ah, le 1 ou le 2 parce que le 2. 1, je pense. Ouais, ouais. Mais oui, c'était bien fantôme contre fantôme, donc avec Michael J. Fox qui fait des petites arnaques à base de possession fantomatique grâce à ses deux acolytes morts-vivants. Enfin, morts. Vraiment morts. Oui. Et qui se retrouvent finalement confrontés à la faucheuse. Ouais. Super film. Excellent film. Mais pas connu, pas très connu, donc le pitch là, il s'impose. Bah ça y est, je viens de te le faire, c'est bon. Ah, c'est toi. C'est toi qui as fait le pitch. Mais moi je suis excuse. Une anecdote. Non, c'est que si, ça fait les anecdotes. Ah bon. Mais moi je trouve qu'elle pitche bien. Moi, ah oui. Vachement mieux que toi. Ah bah elle pitchera le prochain, tiens, pour la peine. Non. Ah super. C'est la faute à Dani. Est-ce que la faute? Oh bah d'accord. Isa, tu l'as vu fantôme contre fantôme? Alors j'ai l'édition collector, mais je confesse que je l'ai pas vu. Ah bah tu vas te régaler. Oui, tu vas te régaler. Ah tu vas te faire plaisir. Celui-là il est vraiment excellent. Et toi, Chris? Ouais. Oui, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois parce que Oli aime bien, mais moi, c'est pas mon. Enfin, voilà. Je sens plus, en fait. Ouais, il y a un petit côté. Les effets spéciaux, il a pas eu le budget, je crois. Bah ouais. Il avait un peu de budget, mais ça passe. Et puis il avait de l'aide pour ça les passe. Effets spéciaux. C'est Zemeckis qui produit derrière. Zemeckis, ses effets spéciaux, c'est son joujou. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est très dans la vibe Ghostbusters. Et à la limite, ça passait mieux dans Ghostbusters que dans Phantom Contre. Ouais. Je sais pas, au niveau des dates, c'est un peu après. C'est largement après, c'est 10 ans après, Phantom Contre Phantom. Ouais, 10 ans après. Tu vois, 10 ans après, on s'attendait à des effets spéciaux un tout petit peu plus léchés, quoi. Je t'avouerai. Bon. Et voilà. Est-ce que vous savez que Phantom Contre Phantom, ça vient d'une série? Ah non. Alors ça va être l'anecdote de 60's. Je vais vous laisser lancer l'anecdote de 60's. Qui est-ce qui fait le jingle? C'est le tour à qui. Bah, ça va être autour d'Isa. C'est Isa là, c'est Isa. Ouais. Allez. Et c'est l'anecdote de 60's. Oui. Parfait. Bah, en fait, c'est Peter Jackson et sa femme, Fran Walsh, qui ont transmis le scénario de Fantôme contre Fantôme à Robert Zemeckis. Et en fait, ils recherchaient des idées pour les Contes de la Crypte. Ah. Oui. Et Zemeckis, il était super emballé par l'idée, mais il était en train de tourner Forrest Gump. Et en fait, il a dit à Peter Jackson, bah, écoute, tu vas tourner le film toi-même, je te fais confiance, t'es un bon. Je te file le pognon. Je te file le pognon, et il l'a produit. Du coup, il a produit le film, et parce qu'il était, occupé à Forrest Gump, sur Forrest Gump. Mais c'était au démarrage, mais ça devait être pour les Contes de la Crypte. Ouais, ça devait être un court-métrage, ils avaient assez de matière pour faire un long-métrage. Ils ont réussi à l'étendre. Bon, il y a quand même un petit ventre mou à un moment dans Fantôme contre Fantôme, vers la fin du premier tiers du film, mais dans l'ensemble, ça passe tout seul. Ouais. J'ai des bons souvenirs. C'est vrai que c'est des films à revoir, parce que c'est quand clair. Ça fait longtemps. Puis t'as un semi-twist dans Fantôme contre Fantôme. Ouais. C'est... T'as un côté très mystique au début avec la faucheuse, avec le personnage de Jeffrey Combs, et plus le film avance, plus tu te rends compte que c'est bassement très terre-à-terre. Voilà. Et on a oublié de citer qu'il y a aussi Jack Buzzet qui joue dedans. Le fils oui, donc, de Gary Buzzet. Oui, parce qu'il se ressemble. Qui a l'air aussi dingue que son père. Et j'irais même jusqu'à dire c'est très... Terre à six pieds sous terre. Joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On passe beaucoup de temps au cimetière dans ce film-là. Ouais. Oui, c'est ça. Plus que dans une maison. Oui, c'est vrai. Enfin, mais je dirais rien. La scène d'ouverture se passe dans une maison, Danny. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une maison qui est quand même au centre de toute l'histoire. Oui. Bon, quand même, hein. Ok. Une maison près d'un endroit, je veux pas dire où, parce que... C'est pas près du cimetière, celle-là, déjà. Ok, ah. Elle sera pas dedans, donc je la raye. Voilà, tu peux la rayer. J'ai pas été vous donc en chercher des trop salauds, quand même. Oh, celle-là, elle est bien, oui. Puis c'est l'italien, oui, j'espère bien que pris, tu nous as préparé l'italien. Ouais. Ben, il y a pas beaucoup d'italiens. Salopio. J'ai hésité, et je me suis dit que ce serait peut-être un peu vache. Mais non. Non, bah parce non. Que t'as Chris qui est bon, Isabelle aussi, elle est abonnée à Shadows, donc... Donnez-moi de l'italien. Ça passait, hein. Moi, je voulais mettre les musiques de l'au-delà, et je me suis dit que c'était peut-être abusé. Oh, yes. Oh, non, et on l'adore. Et je la mettrai en générique. Oui, c'est le meilleur Fulci, ça, c'est clair. Ouais. Je la mettrai quand même à un moment ou un autre, je la mettrai au début. Bon, c'est bon, là, il n'y aura pas d'italien avant la fin. Non. Les amis, vous avez noté. On est tout en stratégie. Hein. Bon, on fait la prochaine ? Allez, go ! Allez, c'est parti. Si vous avez vu, vous allez reconnaître tout de suite. Il faudrait peut-être un petit indice là. Il y a une tondeuse dedans. Une soupe. Non, c'est de la crème anglaise. Crème anglaise. C'est de la crème anglaise. Ah purée. De toute façon, tu dis tondeuse. Tu penses. Alors, il y a une tondeuse et de la crème anglaise. Oui, à peu près. Oui. Ouais. Branded, elle a dit. Isa. Oui, Branded, c'est Branded. Ouais, c'est ça. Bravo. Oh, bravo Isa. Bravo Isa. C'était bien Branded. Bravo. Oui. Bah, et surtout que c'est son surnom, Isa Branded. Tu dis tondeuse, bon bah c'est prêt. C'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 avec une tondeuse. Voilà. Mais c'est qui a réalisé Branded? C'est Peter Jackson encore une fois. Bah ça en fait deux d'affilée. Bah quand même. Oui, écoute, c'est comme ça. T'aurais pas essayé de nous enflammer là? Bon, ça va. Non mais je vous signale quand même que c'est un de ses pseudos, un de ses nombreux pseudos, Isa Branded. Tout à fait. Mais oui. Donc c'est normal qu'elle ait trouvé. Oui, enfin j'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé Valentis, c'est pas glorieux. Ah oh bah, mais c'est vrai que c'est le premier. C'est ou le troisième de Peter Jackson. Ah, troisième. Premier, c'était Bad Test. Le deuxième, c'était Meet the Feebles. Et le troisième, Branded. Que des trucs de bon goût. Oh, oui. Ah oui. Surtout ouais. Meet the Feebles. Je crois qu'au niveau du goût, et... Miam. On se demande comment il a pu faire carrière comme il a fait avec trois. Bah, grâce à Fantôme contre Fantôme. Que... Ouais, ouais, ouais. C'est fou ça. Quand tu dis qu'après il est arrivé au Hobbit et il est passé d'un univers à un autre quand même. Ouais, c'est incroyable ça. Bah, sûr, je crois qu'entre deux, il y a eu Créature Céleste. Oui, c'est vrai que déjà ouais, c'était un petit peu. Non, ça va, ça va. Ah oui, mais c'est un grand écart par rapport au film précédent. Ouais, ouais. Ah oui, moi c'est vrai que moi je l'ai connu après cette période-là. C'est vrai que quand tu reçois les DVD Mad Movie, t'as... Oui, t'as un. Moi j'ai connu avec Branded Peter Jackson, c'est vrai que. Bah, Bad Test, c'est aussi l'affiche avec l'extraterrestre qui fait. Ouais, là, c'est, voilà. Ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'est chaud ça. Ouais. Non. Bon, Baptiste, il a pas très très bien vieilli. Ouais. Ah, déjà, mais Branded, ah bah à l'époque c'était fou. Ça l'est toujours un peu quand même. Ça l'est toujours, oui. Bon, par contre, on avait dit que c'était 60s qui allait pitcher Branded, donc. Ouais. Ah non, non, vas-y, arrête. Ah, si. Non, c'est toi. Non, on n'avait pas dit ça. Si, c'est Dany qui a dit ça. Bah, c'est Dany. Non, mais non, ouais, moi je préfère quand c'est ça. Vas-y. Non, mais j'ai même pas d'anecdote de la tripaille. En plus pour celui-là. Ah ouais, c'est pas grave, tu vas faire le pitch. Je m'en rappelle plus, attends. Bah, figurez-vous que le réalisateur a fait le Seigneur des Anneaux plus tard. Voilà, le Seigneur des Anneaux. La anecdote. Le sachez-vous. C'est un de nos invités qui l'a pitché alors. Le savez-vous qu'en France on l'appelle Pierre, le fils de Jacques? Merci. Et qui n'a aucun lien de parenté avec Michel, l'autre fils de Jacques. L'autre fils de Jacques. Oh, il pourrait être frère de lait, hein, on ne sait jamais. Vrai. Tu vois, on peut en trouver des anecdotes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Est-ce que, déjà, au niveau des effets spéciaux, il avait envisagé ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un peu comme George Lucas en créant la Weta. Est-ce que, déjà, il y avait ces germes-là dans ces films-là? Les germes, tu veux dire, un peu plus épiques du Seigneur des Anneaux et tout ça? Non, les germes de créer une sorte de société parallèle à ces sociétés de production, non, qui soient des effets spéciaux. Je crois que Peter Jackson, de base, c'est juste qu'il n'y avait pas de société d'effets spéciaux en Nouvelle-Zélande. Donc, pour les besoins de ses films, il a créé la sienne. Ah, au niveau de ses premiers films, il était plus sur la gerbe que sur les germes. Hein. Oui. Bah, les germes, oui, mais pas tout à fait les mêmes. Oui, voilà. Ouais. Ouais, parce que Branded, en fait, c'est l'histoire de quoi? Oui, vas-y. Ah bah vas-y, Chris, vas-y, au contraire. Chris, vas-y. Voilà, donc en fait, c'est un peu un film sur... c'est un peu un film sur le syndrome d'Oedipe et sur les mères abusives, en fait, hein, quand on regarde bien Branded. Donc je me calme. En fait, c'est non, mais une histoire... C'est un vrai film enfin... Non, c'est un film sérieux sur la psychiatrie, oui. Donc en fait non, c'est l'histoire d'une mère abusive qui se fait morte par un singe rat qui la transforme en zombie et qui transforme tout le monde en zombie, et son fils peut pas se résigner à s'en débarrasser, et donc il récupère tous les zombies qui sont créés pour s'en occuper, avec une histoire d'amour. D'accord, il leur donne à manger un peu ou pas? Il est nourri. Et voilà, et à côté de ça, sacrifiant. Et les zombies se reproduisent. Une histoire d'amour naissante. Oui. Ouais. Magnifique. Son histoire d'amour à lui et ceux aux zombies aussi. Avec un magnifique bébé zombie qui n'a rien à envier à celui de Snyder dans l'Armée des Morts. Il est trop bien, le bébé zombie dans Branded. Il a un beau landau et tout, il est trop bien. Eh ben, c'est. Puis il a un tonton qui est sympa aussi. Oh putain, oui. La famille abusive. Ah là, vous... Ah oui, la famille abusive, oui. La famille de tarés. Mais c'est que des... c'est un peu du folklore, un peu. Ça se déroule dans un lieu reculé. Non, même quand pas, même, ça se déroule en plein cœur de... Bah, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et dans les années 60, Wellington. D'ailleurs, en plus, dans les années 60, pas, oui. Trop, pas trop mal rendu, d'ailleurs, les années 60, je trouvais. Ouais, avec des maquettes. Mais pourquoi les années 60, d'ailleurs? Sans doute pas, parce que lui-même, Peter Jackson, a grandi dans les années 60, et c'était la bonne époque. Ah, le bon vieux temps des zombies c'est qui ça. Mangent... Oui, voilà, il faut préciser, d'accord. Bien sûr, que oui, le héros s'appelle Lionel aussi. Et qu'au bout d'un moment, il est un petit peu dépassé par tous ces zombies, et son oncle. Ah, parce qu'il s'appelle Lionel. Non, c'est pas parce qu'il s'appelle Lionel, c'est juste pour préciser que ça m'a toujours surpris, un mec qui s'appelait Lionel, qui est dans un film d'horreur. Écoute, pourquoi pas. Et sa conjointe, je crois que c'est chers auditeurs. Oui. Paquita, ouais, c'est... Son crush. Son crush zombie. Non, non, elle est pas zombie, okay. Elle. Non, elle est pas zombie. Mais elle a plus de chien. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends avec quoi il nourrit ses pensionnaires. Bon, et ben maintenant qu'ils se sont balancés des petites allusions comme ça, les salopios, là, ouais, Branded. Ouais. Moi, je m'en souviens plus. Ah putain, c'est vraiment à voir. Branded, vraiment... J'ai hâte que les gamins puissent le voir. Ah ben, ils ont quel âge déjà? 60s n'a pas l'air très c'est d'accord tout de suite. Oh, non, mais on va attendre l'année prochaine, ça va. En dégustant une petite crème anglaise. Voilà, avec la crème anglaise. Allez, va tondre le jardin. Je crois que c'est la scène qui me fait le plus mal au cœur, c'est la crème anglaise. Non, c'est clair. C'est vrai qu'elle est dégueulasse. C'est ignoble. C'est dégueulasse. Bon, en tout cas, 7 sur 7. Bravo. Et voilà. 7 sur 7. Non, mais attention. Ah, mais vous allez nous faire un sans faute si l'équipe... ça continue. Hein. T'as l'équipe des monstres et compagnie. Là, quand même. Ça rigole pas. Hein. Puis t'as des pointures là, Chris et Isa, là, c'est quelque et chose. Dany. Moi, je suis rigolo. Et Dany, t'en as trouvé quelques-uns. Et Dany, là, oui. Oh, tchou. Il est modeste. Bon, allez, on lance la prochaine. Vas-y. Allez, lance la crème anglaise. Ah non. Dany, c'est pas le thème. Ah, tu vois? Tu vois, j'osais plus le dire. C'est puis pas du la coup, voilà. Si oui. Bravo, Isa. Oh, c'est la dame en noir. Trop fort, Isa. Ah, je l'ai pas vu. Oh là, bah, tu loupes quelque chose. Je confesse, je l'ai entendu dans le blind test que j'ai écouté tout à l'heure. Oui, mais tu as retenu. Ah, la ouais, elle a révisé. Elle l'a retenu. Elle l'a retenu. Elle c'est retenu. Bien. C'est avec un bel acteur, je crois. C'est avec Harry Potter. Mais oui. Ah ouais, voilà. Un de ses premiers rôles post-Harry Potter, oui, c'est de 2012 de James Watkins et la musique est signée Marco Beltrami. Ah, dis donc. Donc, plutôt belle équipe. Et le film se veut un hommage vraiment au film gothique de la Hammer. Même visuellement, on est vraiment dedans avec la grande maison perdue dans les Landes. Je crois que c'est en Angleterre rurale. On est vraiment en Angleterre rurale. Et cette histoire de fantômes qui hantent la maison. On est vraiment dans un film de la Hammer, mais en 2012. Et c'est plutôt réussi. Ouais. Et ça, l'Angleterre, l'Écosse, toutes ces landes isolées, battues par les vents, t'as pas besoin de mettre des fantômes pour avoir les jetons. Quand ouais, bah déjà, là, quand tu vois la bâtisse de loin, qui est plus ou moins dans un marécage, tu vois, ouais. Puis c'est 19e siècle, donc ils arrivent avec les chevaux, les calèches, il n'y a pas de lumière. Voilà. Voilà. T'es dedans. Ah ouais, ouais. En 5 minutes, l'ambiance est posée. Exactement. Ah, c'est ça qu'on voulait justement réfléchir ensemble avec Chris et Isa. C'est vraiment le bâti, déjà, le décor des maisons de l'horreur qui évolue avec le temps. C'est ça qui est super intéressant. Et justement, on avait poussé la réflexion le plus loin possible. Et justement, on est tombé sur le mémoire d'une architecte. Qui a fait justement les maisons dans le cinéma, les maisons de l'horreur dans le cinéma. Ça doit être sympa. Donc c'était avant de lancer le projet et je suis tombé dessus par hasard. Franchement, un bijou quoi, parce que elle a comparé les différentes formes d'architecture et ce qui crée la peur dans les films. Justement, elle a tout analysé ça. Qu'est-ce qui, je vais pas déflorer l'émission, donc je dirais pas, voilà. Mais on va la contacter justement pour la remercier déjà de son travail. Et puis éventuellement sur le troisième épisode, une petite interview, ça serait super. Là, on fait la réunion, hein, excusez-nous. Chris, Isa, le deuxième épisode. Ah mais ces gens-là qui s'incrustent là dans notre réunion, franchement, c'est désagréable. Ah ouais, ça y est, on parlait pas tous en même temps, je prends des notes. avec de la musique en plus, oh là là, c'est assourdissant. Et donc on fait le deuxième épisode sur les périls et le troisième, ça sera un retour avec les retours des gens et puis on essaiera de faire venir du monde pour avoir des interviews et on fera un débrief en fait des deux premiers épisodes. On va essayer de faire ça vraiment de façon participative. Ça va être sympa. Mais ça prend beaucoup de temps et puis on a tous nos vies donc on prendra le temps qu'il faudra. Mais on s'en fout, on fera trois trucs dont on sera fier et peut-être que ça continuera. Peut-être, ce serait bien. Voilà, voilà. Mais en tout cas, effectivement, le gothique est souvent cité, mais il n'y a pas que ça. Non. Et je sais, il nous reste combien de musiques? Il vous en reste deux. Ah, alors, et comment tu nous surprendras après tout ça? Mais il n'y a pas surpris. Un pitch avant Il n'y a pas un petit pitch pour The Woman in Black? Oh, ce serait bien Sixties qui va nous le faire. Mais non, bien sûr que non. Ah, bah oui. Ça fait 10 ans. Bien sûr que non, mais enfin, voyons. Ça fait 10 ans que j'ai. Je m'en souviens. Je me souviens que c'était l'acteur. D'ailleurs, la musique ressemble à Harry Potter, je trouve. Bah, il y a un côté d'Elfman. Il y a un petit côté Angleterre, il y a un côté magique, mais la musique part vite un petit peu. Et plus c'est comme sombre. Ça que je l'ai reconnue tout de suite, celle-là. Et là, ouais. Comme je disais, c'est pas le thème, c'est vraiment une musique. Par contre, c'est le thème de la Woman in Black. C'est pas le thème du film, mais c'est le thème du personnage. Mais bon, il permet de reconnaître parce que souvent le thème il est repris plusieurs fois dans le film. Bah là, vu comment est composé la BO, bon oui. Film, mais alors je me souviens plus quoi. De l'histoire, ouais. Bon, l'histoire est peut-être pas non plus. Non, elle est assez classique. C'est un type qui achète une maison et qui vient y vivre avec son fils. Je crois que sa femme est décédée et il se rend compte que la maison est hantée par le fantôme d'une femme qui a elle-même perdu ses enfants. Donc après, il y a tout un truc pour essayer de déshanter la maison. Ou de vivre avec, on sait jamais. Si ça avait été il veut vraiment s'en débarrasser. Dire ensemble. Ouais. C'est pas une romance de Noël. Ouais, ils auraient pu finir. D'ailleurs, le réal James Watkin, c'est pas vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de romances. Pas trop son truc. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, tu sais, la dark romance, ça existe. Oui, certes, mais ouais, non, on n'est pas dans ça. Avant Watkin, c'est lui qui avait réalisé Eden Lake, notamment. Ah, bien. Ah, oui. Ah, ouais. Très bon, ça. Ah oui, c'était très bon. Très bien. Il piquait un peu Eden Lake. Ouais, j'avoue. Oui. C'était champêtre. Bah, c'était fait pour ça. Hein. C'était champêtre. Ouais, plus que champêtre. C'est champêtre. Disons que ouais. C'est pour les petits urbains, mais faut. Mais en mode pas cool. Ouais, pas cool du tout. Ah, les vidéos des petits urbains, de temps en temps, comme là c'est la nuit, et que je pars la nuit avec ma lampe frontale, de temps en temps je me fais plaisir pour faire des petites. Bêtises, bah, quoi. C'est là qu'il faut s'amuser. Dans mes vidéos. Voilà, ah, c'était toi dans Eden Lake, là, le temps qui. Non, mais c'est rigolo, il faut pas grand chose hein, pour faire peur un peu. Parce que les petits urbains, c'est des vidéos que je publiais sur X Maintenant, je les mets sur Insta surtout, puis un petit peu YouTube. Et en fait, c'est rigolo parce que il y a des réactions comme ça. Il y en a qui disent oh non, jamais, jamais, j'irai en rando avec toi. Puis il y en a d'autres qui me disent tout le temps, mais j'ai trop envie d'y aller. Et maintenant, c'est à la lampe frontale, donc en forêt, il y a plus personne, il pleut, il neige. Ah, c'est sympa. Et puis de temps en temps. Ah ouais, franchement, je me régale parce que j'imagine les gens après le regarder. Et t'es un amateur de te balader en forêt avec une lampe frontale. Les vrais, ils y vont sans lampe. Mais non, mais t'es là pour faire peur aux autres, c'est parfait. Ouais, mais honnêtement, il faut quand même un minimum de sécurité. Et puis la lampe frontale, ça, c'est ça, c'est un cône de lumière et autour il y a rien, le noir, c'est le noir sombre. Complet autour. Si tu fais partie des ténèbres, tu peux pas avoir peur. Il faut justement attirer les créatures de la nuit. Et voilà, c'est ça. Et le seul truc, c'est qu'aussi, je me suis déjà cassé les côtes du dos en tombant comme ça, bêtement. Ah bah fatalement. Oui. Maintenant, je fais gaffe. Hein. Là, je fais gaffe maintenant. Donc là, la lampe frontale, j'en fais pas l'économie. Et voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote sur The Woman in Black, par exemple Harry Potter, il a pas fait de magie. Non, il a pas fait d'étincelles. Non, il a pas tellement. Ouais, enfin, j'en ai pas entendu parler plus que ça, en fait. Le film a marché correctement. Non, hein. Pour un renouveau de la mer. Le film a une suite toute pourrie, pour le coup. Si tu vois une bande-annonce de Woman in Black 2, il y en a bien eu un. Mais non, il n'y a pas grand chose de plus. À part que c'est un bon film qui est effectivement passé un petit peu inaperçu. Personne l'a vu parmi vous ? Si, je l'ai vu. Bah, j'ai appris son existence. Ça, quoi, sympa, mais oui, voilà. Pas plus que ça. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai appris son existence il y a une demi-heure, moi. De quoi ? Parce que j'ai appris son existence il y a une demi-heure, parce que je regardais un peu la liste des films de Maison Hantée, et puis j'ai vu passer ça. Ah oui. J'aurais jamais cru que t'allais me... Il y a que moi qui ai pas révisé, en fait. Oui, c'est ça, mais t'as pas le temps, toi. Il a un vrai travail, lui. Bah, déjà... déjà, il vit la nuit, donc il s'est réveillé il y a une demi-heure, donc... c'est ça, d'éviter les vampires. Ah, voilà. Ils n'ont aucune culture. Ils n'ont aucune culture. Bon, on va enchaîner sur le prochain. Alors, pour tout vous dire, normalement, pour le prochain, j'avais prévu de mettre Don't Breathe. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, oui, excellent. Mais la musique est pas folle. La musique est pas folle. Alors vraiment, pour la reconnaître, je me suis dit, non, en fait, là, je suis vraiment pas sympa. Je suis vraiment pas sympa avec celle-là. En plus, à écouter, c'est pas formidable. Donc, j'ai changé. J'ai pris une musique qui va être beaucoup plus facile, mais que j'aime bien quand même. Ah bon? Voilà. Ah, bon, donc, je vous donnerai pas d'indice, mais on parle bien encore une fois de maison de l'horreur et de maison hantée. Fais-toi plaisir. Lance-le. We'll be right back. Oh, Beetlejuice. Joli. Alors, oh, Beetlejuice. Nostalgique. Nostalgique. Voilà. Ah bah là, c'est là, tu peux pas... On peut pas lutter, là. Obligé, là. On peut pas lutter. Là, c'est pas... non, là. Et qui a vu le 2 oui. Alors. Bah écoute, je suis allée le voir avec ma fille de 7 ans. Elle adore le premier, Loulou, elle adore le premier Beetlejuice, elle a voulu aller voir le 2. Alors j'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce qu'à un moment donné, on voit bébé Beetlejuice qui ressemble plutôt à Chucky réveillé des morts, quoi. Enfin, ou bébé Brain Dead, justement. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, mais elle a pas les références. Non, mais elle a la vision quand même. Et j'avoue, ouais. Des fois, elle se marrait. Elle se marrait, mais j'étais là. J'espère ouais. qu'elle va pas me faire des cauchemars parce qu'elle nous avait fait des petits problèmes avec Chucky juste par rapport à une bande-annonce, enfin une pub même. Une pub. Ah oui, elle avait pas vu Chucky. Non, elle a juste vu la poupée dans une pub qui passe. En plus, elle était pas abîmée dans cette pub-là, ouais. Chucky. Non. Ouais. Ouais, mais elle est, voilà, d'elle-même, elle est malaisante. Ouais. Et du coup, à cause de la coupe de cheveux, du coup, j'ai vu le 2, mais je n'ai jamais vu le 1. Alors ça, c'est... Ah ouais, donc, ah, je l'ai en Blu-ray, là. Ouais. Ouais, okay. Bah, on l'a à la maison, tu sais. On l'a aussi, vu. Joseph l'a vu, il y a Kémini qui l'a pas vu. Non, il y a que moi qui ne l'ai pas vu. Oh, il est fun, il est mal... J'ai trouvé avec j'avais le 2, la BO. Bah, du coup, il faut que je voie le 1, parce que c'est bête, je fais des choses à l'envers, mais c'est pas grave. Ouais. Ah non, que j'ai adoré. Tout est magique. Ce que j'ai adoré dans le 2, c'est les références à Mario Bava. Ah ? Ah ouais. Ah ! Ah ouais, non, mais le personnage de Monica Bellucci, un moment, il y a un moment, il y a des plans, je trouvais que ça faisait vraiment référence au masque du démon et à Bava, quoi. Ah, au Diallo, carrément, ouais. Oui, c'est... Ouais, masque du démon, pas 100% de Diallo, mais... Ouais, non, non, c'est... Surtout le personnage de Monica Bellucci, enfin... Il est dingue, celui-là. Au personnage principal du masque du démon, quoi. Plus à un moment, ça passe en noir et blanc, ça parle en italien, donc on est complètement dedans. Ah bah oui, alors là, oui. C'est assumé. Alors. D'accord. Ouais, complètement. C'est très très beau. C'est étonnant. Non, franchement, c'est très esthétique aussi. Les couleurs sont dingues dans ce film. Ouais, c'est étonnant quand même comme parti pris parce que le premier, il allait pas du tout sur cette option-là. Bah, finalement, je veux dire, quand tu regardes le premier, toute la partie qui fait un peu carton-pâte et tout ça, est très coloré, ça peut faire penser à Bava, la planète des vampires, à tout ça. Vous l'avez pas vu? Oui, c'est vrai. Le 2 Le 2, non, j'ai pas voulu aller le voir parce que j'en ai marre qu'on piétine mes jouets. Et puis Tim Burton, on peut pas dire que depuis 4-5 films, ce soit non plus très enthousiasmant. Ouais, non, mais c'était clair. Non, mais fini, moi, la planète des singes, Tim Burton pour moi. Enfin, j'aimais plus, quoi. Et là, franchement, c'est Oli qui m'a traîné au ciné pour le voir. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Moi aussi, j'ai passé Je le conseille. Ah, ok. Bah écoute, en VOD, je le regarderai en VOD, alors, pour le coup. Très bien. Et bon, en tout cas, là, c'était la musique du premier Beetlejuice. Oh, quel qui est un excellent film, pour le coup. Ah, ouais. Et une vraie histoire de maison hantée, pour le coup. Oui, hein. Doublement hantée. Elle est hantée du point de vue des protagonistes et même du point de vue des hanteurs. Ah, je croyais que tu parlais de la forme de la maison. Ah non. Non, non. Mais on est vraiment sur un film de maison hantée, mais du point de vue des fantômes. Ouais, alors il faut dire aussi que la maison de l'horreur, c'est pas que les maisons hantées. Non, non. La maison de l'horreur, c'est aussi les violences conjugales, c'est beaucoup de choses, quoi, la maison de l'horreur. C'est aussi Shining, la violence familiale. Le voilà, Home Invasion. Piège... Shining était mélangé. Le Home Invasion, c'est Shining, vrai, j'ai pas pensé au Home Invasion, mais. Le Home Invasion, tu vois, c'est pour ça qu'on n'aura pas la dernière maison sur la gauche, par exemple. Alors que la musique, elle est marrante. J'y ai parce pensé, que... figure-toi, la dernière maison sur la gauche, mais j'ai pas accroché avec la musique. Ouais, parce qu'en fait, elle est pareille. Ça cale pas du tout avec ce qui est d'horrible, ce qui non, va elle arriver, est assez champêtre, quoi. Même. Elle est champêtre, elle est guirette, mais c'est comme c'est la fin du Flower Power. C'est clairement Power, la fin du Flower Power, le film, oui. Voilà, donc on a vraiment des voilà, c'est assez radical. Est-ce que la dernière maison sur la gauche est vraiment un Home Invasion ou un Rap and Revenge? Parce qu'on est plus connu comme étant en deuxième catégorie. Ouais. Mais ça se passe dans la maison la plupart du temps. Pour le thème, la maison d'horreur, ça marche. Ouais, ça marche. Et maintenant que je suis vieux, bien, pour moi, la maison de l'horreur, c'est aussi The Bunny Pit avec Tom Hanks, où il rachète une baraque et il y a tout qui s'écroule et il doit faire plein de travaux. C'est-à-dire, c'est moi, ça m'angoisse maintenant, ces trucs-là. Hein. Maintenant que on a chacun nos angoisses. Chacun nos angoisses. Mais bon, c'est vrai que... c'est vrai que chacun nos angoisses, dès que tu es propriétaire et que t'as peut-être pris un trop gros crédit, là ouais, les angoisses se déplacent. C'est vrai, ça aussi ça joue. Ouais. Mais c'est moins visuel en termes de cinéma, c'est pas ouf, tu vois. Non, dans la série Netflix The House of Haunted Hill, à un moment ils ont un problème d'infiltration d'eau, c'est ce qui m'a plus fait flipper. Hein. Ouais. Ou alors, là, en ce moment, on a les petits mulots. Moi, je suis à la campagne. On a les petits mulots qui rentrent, puisqu'ils veulent avoir un petit peu chaud. Hein. Et puis, les araignées aussi qui se baladent. Et je peux te dire que, ici, pour Miss Taniguchi, c'est la maison de l'horreur. Hein. Déjà, il y a des nuits, elle entend les bestioles dans le... dans le grenier et tout. Ouais. Alors, elle m'envoie jeter des machins à poison. Mais faut garder les araignées, ça bouffe les parasites. Ah ça par contre, hors de question de toucher aux araignées. Même les mulots, faut les laisser tranquilles, les petits mulots. Mais oui, mais moi je les laisse tranquilles, je suis sûr qu'ils ne bouffent pas les trucs, mais les... Voilà, c'est... Une maison, ça fait puis, du bruit, une c'est Une maison, génial. Ça vit, hein. C'est ça. Les matériaux vivent, justement. Moi, puis il y a toujours plein de petits machins qui vivent dedans aussi, et ça vit. Bah, il y a même... je sais que, alors je vais peut-être pas plomber l'ambiance, mais j'ai perdu mon beau-père il y a pas si longtemps que ça, et donc ma belle-mère est veuve, et ça fait deux fois qu'il y a des instruments, des radios qui se mettent à jouer comme ça. Il y avait une radio qui, ça faisait des années qu'elle était dans un tiroir, et elle s'est mise à crachoter, comme bien sûr elle était pas bien réglée, ça faisait que de la du pshhh. Mais comme ça, des années après, tu vois, les piles, je sais pas, il y a eu un faux contact, je sais pas quoi. Et là, aujourd'hui même, hier, ma belle-mère qui dit à sa fille, ma femme, qui dit, il y a le tourne-disque qui s'est mis à tourner. Alors j'ai dit non, déjà je sais, tourne-disque, il est rangé, il est pas branché. Non, c'était le radio cassette, le pas cassette mais CD, qui pour moi, il était pas branché. Bon, a priori, j'ai dû le brancher à un moment. Et il s'est mis à jouer le disque qui était dessus, comme ça, alors que personne ne lui a rien demandé. Et donc, ça fait plusieurs fois, il y a peut-être mon beau-père qui hante la maison. Donc, je suis impatient de retourner à Noël pour qu'il me fasse des signes. Puis qu'il pense au cadeau. Mais c'est vrai. Ouais, faut que je pense à lui, ouais, faut pas que je l'oublie. Oublie pas, faut t'es pas petit souci. Faut pas oublier à Noël, vous oubliez pas les chers disparus, sinon ils viennent vous chatouiller les doigts de pied pendant la nuit. C'est les mulots, ça. Ça, c'est les mulots. Ouais. C'est les mulots, ouais. C'est soit les mulots, soit mon beau-père. Je sais pas ce que je préfère, honnêtement. Bah, les mulots, au moins, tu peux les voir. Oh! Ouais. Ouais, faut y aller vite, hein. Faut... là. Eh ben, on est au dernier. Et on est au dernier. Et celui-là, je me le suis gardé exprès. Normalement, si c'est un film que vous avez vu, vous allez reconnaître, mais c'est pas un film que beaucoup de monde a vu. Ah, merde. Ouais. Et il est tout à fait indiqué pour votre podcast. Bon, les zozos, vous êtes prêts ? À fond. Allez, j'en vois. Thank you. Est-ce que t'as un indice? C'est un Dark Castle, c'est un remake des films de William Castle House of Haunted Hill. Yes, c'est celui-ci. Bravo. C'est pas The Haunting. Non, hein, The House of Haunted Hill. En français, La Maison de l'Horreur. Mais. Pas celui avec Vincent Price, le remake, c'est ça? C'est ça, avec un personnage qui s'appelle du coup Vincent Price dedans. Oui, tout à fait. Qui est incarné par Geoffrey Rush. C'était rigolo. Oh. C'était rigolo. Ah, moi, c'est un film que j'ai adoré. Moi. Ah ouais? Mais de... c'est 2000. C'est quoi, 1999. C'est... Ah, tu vois, ouais, c'est. 1999 de William Malone. Un illustre inconnu. Juste un autre film à son actif qui était pas ouf. Et c'est pas The Haunting Hill. Non, c'est The House of Haunting Hill. Ouais, et de. La maison sur la colline hantée. Voilà, et bah oui, c'est de De Shirley Jackson, pas c'est l'adaptation. Je crois, pas de, je sais plus, j'ai peut-être de la merde, mais je peux lire un peu comme ça. Et je crois que chez William Castle, c'était La Nuit de tous les mystères, le titre français. Oui, le titre français, ouais, avec Vincent Price, qui est excellent d'ailleurs aussi. Qui est très très bon et qui est disponible en ce moment, je crois, gratuitement sur Pluto TV. Mmh. Ouais. Il y aura de l'alcool et des fantômes. C'est une histoire de gens qui vont faire. C'est l'histoire d'un type très riche qui invite. Alors c'est marrant parce que ça fait un peu penser à la maison des damnés de Matheson. Oui. En fait, c'est l'histoire d'un mec très riche qui dit si vous passez toute la nuit dans cette maison, vous aurez 10 000 $ demain, un truc comme ça. Je crois que c'est carrément un million. Bah en fait, j'ai revu la version Vincent Price il y a pas longtemps, donc j'étais. Avec l'inflation, il me semble qu'à l'époque c'était que 10 000 $, peut-être. Voilà. Ouais, c'est fond, comme l'homme qui valait 4 milliards. Voilà, parce que la maison est censée être hantée, et en fait, il se passe plein de choses. Et en fait, ouais, le remake, c'est même plus que la maison est censée être hantée, c'est un hôpital psychiatrique hanté. Où ils ont fermé l'hôpital parce que l'hôpital a brûlé avec tous les patients dedans. J'en peux plus, moi, des histoires d'hôpital psychiatrique. Et en plus, tu apprends que l'hôpital a brûlé, surtout parce que le docteur qui était devant était bien plus dingo que les patients, et le docteur est joué par Geoffrey Combs. C'est vrai, c'est bien. Et le docteur est encore dedans. Et donc, qui organise la soirée dedans est un spécialiste des parcs d'attractions, des effets spéciaux et tout ça. Et il a truqué la maison pour faire croire aux gens qu'il y a des fantômes dedans. Sauf que, il y a vraiment des dingos dedans. Enfin, des fantômes de dingo dedans. Ah, c'est marrant. Et le film joue pas mal avec des effets de... Ouais. Vraiment liés à la folie, en fait, avec des effets pas stromboscopiques, mais c'est des images qui s'animent en tournant, j'ai plus le nom de ce mécanisme-là. Ou quand tu fais tourner des images, en fait, elles vont s'animer, sauf que là, tu vois les images s'animer, puis sortir du cadre réellement. Enfin, il y a des trucs qui marchent très très bien. Le film a bidé, mais il y a des trucs qui marchent bien. Et j'adore la BO. Ouais. Et ça s'appelle La Maison de l'Horreur, donc c'est tout un dipier pour votre podcast. Je pouvais pas passer à côté. Et en plus, c'est rigolo parce que je l'ai lu dans le Manouvi, là, justement. Parce que je me souvenais de cette... j'ai regardé sur Wikipédia, là, et effectivement, l'original avec Vincent Price, ils ont utilisé une maison qui s'appelait Ennis House, et qui servira notamment en décor à Blade Runner aussi. Ah ouais? J'avais lu cette anecdote. Oui, parce que t'as l'appartement de Descartes, je crois qu'ils ont pas les murs assyriens, trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est une maison bien spécifique, ouais, effectivement. Dans l'original, la maison d'horreur de Malone. Ouais, c'est typique des architectures un peu folles, effectivement. Non, mais ils avaient conseillé de voir l'original, mais je sais pas si la... Ouais, l'original est très chouette, hein, vraiment. C'est un des bons William Castle. Ça m'a foutu dedans parce que justement il y a eu la série qui s'appelait presque pareil. Oui, moi aussi. J'ai cru que la série était dérivée de ça, mais non. Non, la série est dérivée justement de La Maison Hantée de Shirley Jackson, si je dis pas de bêtises, Isa. Tu l'as lu aussi, Isa, récemment, je crois. Je l'ai commencé. Ouais. Non, franchement, il se laisse lire. Il est assez simple à lire et il est sympathique comme tout. Et justement, moi, je m'attendais à ce que tu me sortes l'adaptation des années 50, là. Oh là là. La musique est bien aussi, franchement. Robert Wise. Et c'est aussi sur une colline. Ouais, c'est la maison. C'est le même principe, oui. Oui, la maison, elle est au-dessus d'une colline. Ouais. C'est, alors, Chez Shirley Jackson, elle est en bas de la colline. Mais justement, c'est la colline qui fait le côté un peu qui écrase. C'est justement, elle n'est pas sur la colline. C'est vrai que dans les maisons de l'horreur, tu as les maisons sur les falaises. Ouais, souvent. Ça, ils ouais. aiment bien. Comme la chute ouais. de la maison Usher et tout ça. Ouais, ouais, des maisons sur des falaises. Et puis, tu as les maisons sur les collines. Enfin, l'emplacement de la maison aussi est important, ça, mine de rien. Bah, souvent, par exemple, la maison sur les collines, c'est comme la maison hantée de Disney. C'est sur une colline parce que ça ouais. se plombe, tu le vois de loin et elle t'écrase quand tu arrives. Puis c'était des maisons de riches, ah oui, oui. c'était des maisons qui en imposent, ouais, des maisons, donc les gens ils aiment bien être au-dessus du peuple, et on aime bien s'imaginer que... Leur et nous on aime pas les riches. Peuplé de... Ouais, non mais il y a aussi le côté, il y a le côté aussi, tu vois les riches, comme ils sont aigris à amasser leur fortune. Enfin, c'est Scrooge, le côté ça. Scrooge, oui c'est ça exactement. Ouais, voilà, le côté Scrooge, et justement ils s'écrasent sur leur péché et leur culpabilité, et ça en fait des spectres très envisageables, quoi. Donc, c'est rigolo. C'est vrai qu'on aurait pu rigolo, parler de Scrooge c'est... aussi dans les maisons hantées. Ouais, ouais, c'est un, ouais. C'est un des fantômes de Noël. Alors, on en et est ben à vous combien, en êtes à là, 10 sur 10, félicitations, 10 sur 10. Vous êtes les premiers à y arriver. Ouais. Bravo, ouais, franchement, c'est pas je propose que dans toute boîte américaine, comme dans toute boîte américaine, on s'applaudisse. Voilà, attends, bouge pas, je vais te les retrouver. Je vous applaudis. Même encore plus. Oh non, merci. La standing ovation. Merci. Ouais. Chris, Isa. Bravo. Ouais, bravo, non, mais c'est vrai. Isa, 60s, les anecdotes, bien sûr. Nostal, les pitch. Bon, merci. Merci. Un peu de calme, s'il non, vous non. plaît. Chut, on va continuer. Un discours. Non, mais. On va faire le débrief de toutes les maisons qu'on a vues. Tu peux nous dire un peu le style de maison que tu nous as mis dans ton superbe blindcast. Donc nous avons blindcast, merde. Shining qui est un hôtel hanté, lieu de violence okay. familiale principalement. Un hôtel. Ensuite on a The Other qui serait plutôt une maison victorienne si j'ai bien compris. Maison victorienne 2. Conjuring 2. Ah, manoir. Maison ouvrière, non, Conjuring 2, c'est vraiment maison ouais. ouvrière et maison délabrée. Oui, voilà, c'est ça, on est sur ouais. ouvrière, la maison, de banlieue anglaise, quoi. Ouais, mais banlieue anglaise après crise, quoi. Plus vraiment, demeure, vraiment plutôt demeure. Non, vraiment, Conjuring ouais. 2, c'est pas un manoir. C'est pas un manoir, c'est vraiment non, la maison bricolée. Demeure, je voulais plutôt dire. Ouais. Ensuite, on a la cabane dans les bois, Evil Dead 2, bah, c'est la cabane dans les bois, quoi. Ah ben il y a eu Cabin in the Woods aussi. Tout est aussi. Dans le titre. The Frighteners, donc fantôme contre fantôme, on est à la fois dans la maison victorienne et dans l'hôpital. Mm-hmm. Oh. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Branded, on est dans la maison des années 60. La ferme, non ouais. Ah non, c'est ferme, vraiment la maison en haut de la colline, encore une fois, finalement, Branded. Mais pas une maison si. Cossue. Hein, si, si, elle est assez cossue. Si, familiale. Ok. Ouais. Et on voit qu'elle est dans la famille depuis longtemps, elle est assez cossue, la maison. Woman in Black, on est vraiment dans la demeure victorienne et cossue. Ah ouais. Sur une falaise. Non, plutôt dans une lande. Dans une lande limite marécageuse. En plus, c'est en ouais. hiver que se passe le film, vraiment, tu le regardes, t'as froid. Tu sens la tourbe. Tu sens la tourbe, tu sens déjà le whisky qui t'appelle. Puisqu'on en parle. Puisqu'on en parle. Salopio, va. J'en ai même pas à la maison. Ensuite, Beetlejuice, comment on pourrait appeler ça? C'est une maison rurale, quand même, un peu, une grande maison rurale. Mm. Ouais, mais elle se la pète un peu, quand même. Elle ressemble, fait penser à la maison d'Amityville, ou encore une fois, au manoir hanté de Disney. D'accord, oui, tout à pas fait. Pas de Paris, pardon, c'est pas les mêmes partout. Non. Et House of Haunted Hill, et ben on est sur l'hôpital psychiatrique abandonné. On a ouais, deux hôpitaux, un hôtel, des maisons cossues, et puis on a deux cabines ouais, dans les bois. Et une maison délabrée un peu. Et ouais. on trouve, si on veut parler de... d'immobilier. Non, du côté plutôt Stéphane psychosocial Plaza, de ces films-là. Donc on a des violences familiales. Dans The Other, on pourrait parler de... un espèce de secret familial qui étouffe vraiment cette famille-là. Encore une fois, je parle sans l'avoir vu, donc je déduis un peu. Ah bah bravo. Ah, je l'ai dit dès le début que The Other, moi, je ne l'ai pas vu. Conjuring 2, on est plutôt sur... Il n'y a pas vraiment de violence familiale, mais on est quand même sur une pauvreté assez prononcée et sur... Je crois qu'il y a des soupçons d'inceste dans Conjuring... Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 1 qu'il y a un peu des soupçons d'inceste. C'est un thème souvent abordé dans l'affaire, justement, non pas de la hantise, mais plutôt des poltergeists. Oui, parce que justement, il y a des théories La théorie de la vilaine petite fille. Voilà, ou du vilain petit garçon, en tout cas, de la présence justement des adolescents, des jeunes adolescents, qui par leur seule présence, par un effet psychokinétique peut-être, provoquent des choses dans les familles. Et souvent il y a il y a du mal-être qui serait à l'origine de ça. Mmh. C'est une des théories, mais elle est assez répandue, effectivement. Après, dans La cabane dans les bois, je crois qu'il n'y a pas vraiment de sous-texte psychosocial dans celui-là. C'est des jeunes d'un peu partout, et bon. Il y a du démon, il y a du démon quand même ancien, parce que... Il y a du démon très ancien, il y a du grand ancien dans La cabane dans les bois. Evil Dead 2, pareil. Il y a du Lovecraft, c'est du Lovecraft. Pareil, Evil Dead 2, on peut peut-être parler de violence de couple. Ah oui, il a décapité à coup de pelle. Ah, pas monsieur est bricoleur, hein. Monsieur bricoleur, oui. Et il y a aussi eu beaucoup de culpabilité dans Evil Dead 2, la culpabilité du survivant qui est pas mal dedans. Ouais, c'est vrai. Fantôme contre fantôme, on est encore dans la culpabilité du survivant, parce qu'il a survécu à sa femme et il s'en veut beaucoup. Ouais. Braindead, comme l'a dit Chris, on est plutôt dans le complexe d'Oedipe, la mère étouffante. Ouais, encore des problèmes. Ouais. Woman in Black, on est dans la mort d'enfant, ce genre de choses. Ça reste le deuil, le deuil et la mort d'enfant principalement. Beetlejuice, le deuil aussi, mais une autre vision du deuil. Et puis beaucoup. Ouais, et puis surtout on met un pied dans l'au-delà, donc c'est un peu les portes ouvertes parce que tout ça, on parle de hantise, de phénomènes paranormaux, mais quand même ça nous interroge sur notre rapport à la mort et puis à ce qui est après. Oui. Et quelque part, à la fois on en a peur et à la fois on espère, parce qu'on se dit, il y a une permanence de l'esprit et tout ça. Et dans Beetlejuice, on y va carrément, on voit la salle d'attente. C'est trop cool quoi. C'est intéressant. Mm. Et la maison de l'horreur, ça parle de folie en tout genre, d'expérimentation sur être humain, sur la tromperie, la vengeance, la colère. Les 7 péchés capitaux, voilà. Non, t'as pas les 7, mais ouais, la vengeance, le côté colérique, tout ça, tu les as bien. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous avez des recos, vous, les nostals, 60s, est-ce que vous avez un film qu'il faut absolument qu'on voit dans le thème et qui va nourrir notre émission Un bon conseil. Moi, je dirais L'au-delà. L'au-delà de Fulci. Ouais. D'accord. Et là, cette fois, ce sera un hôtel. Comment ça? Non, moi, enfin, j'en ai pas vu tant que ça, moi, au final, avec des maisons hantées. Non, hein, tu vois. Il y en a pas tant que ça. Non, il y en a pas tant que ça. Non. Moi, si je pouvais en recommander un de toute la liste, ce serait quand même La cabane dans les bois. Parce que la personne qui l'a pas vu celui-là, je le recommande. Parce que je trouve qu'il est quand même particulier. Pépite, il est assez original. Il est fun. Il plaît ou il plaît pas. Mais celui-là, il vaut le coup. Il vaut le coup d'être vu. Il vaut le coup d'être vu. Exactement. Et si vous voulez voir du japonais, je pense que tu as Darkwater qui s'adapte bien à la maison de l'horreur. Voilà. Surtout qu'elle est belle, la musique. Mm-hmm. C'est vrai. Je ne pourrais pas dire. Elle est plutôt jolie. D'ailleurs, elle tranche. Parce qu'elle elle fait très guirette au départ. Et puis après il y a un peu d'expérimental et puis ça revient, il y a beaucoup de douceur et de vraiment il y a pas mal de douceur, c'est vraiment une femme aussi, à son finalement. Beaucoup de douceur, ouais. Il y a que un peu la fin où vraiment ça commence à être vraiment noir, mais sinon le film est très doux. Moi, il m'a marqué à vie, hein. Il m'a marqué au fer rouge, ce film. Ah ouais. Et je voulais dire à nos petits amis, là, Isa et Chris, dans vos recherches pour le podcast, alors pas forcément un film, mais qu'est-ce qui vous a marqué de ces derniers temps ? Je vérifie qu'ils bossent bien. Bah, par exemple, et c'était en lien avec un thème dont on a abordé là, pendant le podcast, ouais. Parce que j'ai vu le film Barbare. Ah, oula, oula. Et en fait, ce qui était choquant, en fait, c'est qu'elle arrive la nuit. Donc elle arrive devant ce Airbnb, voit la maison, bon, elle y reste. Ah oui, je l'ai vu. Et en fait, après, quand elle repart le lendemain, elle va à sa réunion, on lui dit « Ah, vous êtes là-bas » et tout. Non, mais n'y allez pas, pourquoi vous êtes dans ce coin-là, c'est craignos. Et quand elle revient, on se rend compte que c'est délabré de partout, sauf cette maison. Et ça m'avait... On avait évoqué le fait que des fois, c'est pas juste la maison qui fout la trouille, c'est tout l'environnement. C'est ça. Et tu vois cette maison qui a l'air parfaitement normale, mais dans un coin, mais totalement déserté. Et ça fiche un peu. Après, il y a la maison en elle-même qui a une petite cave prolongée. Ouais, ça faut. Voilà. Mais c'est pas dans Détroit, c'est pas justement dans un quartier de Détroit qui est complètement déjà Détroit, c'est laissé pour compte. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit Détroit, mais l'idée c'était ça dans un quartier, effectivement, les salles d'abandon. Voilà, c'est vraiment ça, elle arrive la nuit, bon. Et c'est le lendemain qu'on voit, on s'est dit, mais comment j'ai pas vu à quel point l'endroit était complètement délabré. Ouais, Barbare, il était. Et voilà, c'est pas une maison particulière, c'est vraiment une location tout à fait banale. Et c'est vrai que tu arrives dans le quartier, t'as qu'une envie, c'est de te barrer vite fait. Je sais pas pourquoi elle le fait pas d'ailleurs. Bon, après, c'est classique dans les maisons, dans les trucs d'horreur, mais barre-toi, reste pas là. C'est évident, évident, la con de rester ici, va-t'en. Ouais, ouais, ils les font tous, hein, parce qu'ils sont, ils sont deux au final dans le truc en plus, donc ils les font toutes. Hein. Mais voilà. C'est vrai que c'est bien trouvé, le Airbnb, tu vois, on descend de la maison victorienne du manoir écossais, on descend au Airbnb, tu vois. Puis avec un petit doute pendant un moment où avec l'erreur de réservation, ils sont deux à avoir réservé, puis le gars qui est super prévenant, mais même trop prévenant, qui fait attention et tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. C'est un wok, il faut se méfier. Non, mais en fait, on sait pas est-ce qu'il est gentil pour être gentil ou est-ce qu'il est gentil, mais en fait, il est pas gentil. Ouais, n'en disons pas plus, Barbare, il secoue. Hein. Il secoue. Ouais. Mais il est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Et Chris, toi, il y a quelque chose dans tes recherches qui t'ont marqué ? En fait, on s'est revu plusieurs films de maison dernièrement, par plaisir et par recherche. Hein. Et on s'est revu un film que j'adorais déjà, mais justement, si je pouvais recommander quelque chose en film de maison hantée, ce serait vraiment celui-là, c'est The Haunting de Robert Wise, donc La Maison du Diable en français, l'original. Parce que le film... Qui est un remake aussi. Oui, enfin bon. Non, monsieur. Avec Catherine Zeta-Jones, c'est ça ? Ouais, oui, le seul truc sympa dedans, c'est Catherine Zeta-Jones. Non, mais parce que l'original est complètement l'opposé du remake, justement, parce qu'il n'y a pas d'effet spécial. À un moment, c'est juste de la tension et de l'horreur sourde des monologues intérieurs. On sent vraiment l'angoisse. À un moment, il y a juste un effet sonore à peine audible avec une lumière sur un papier peint qui, avec le jeu d'ombre, fait une pareille dolly. Voilà. Ça tient du génie parce qu'il y a quasiment aucun effet spécial dans ce film, mais on ressent l'angoisse. Et moi, il me fascine. Ça fait des années qu'il me fascine et il me fascinera toujours, je pense. Oui, en plus, il est très fidèlement adapté du roman de Shirley Jackson. Et finement adapté, c'est-à-dire comme c'est une adaptation cinéma, il faut remettre les choses différemment. Mais il arrive au même résultat, c'est que tu sais pas s'il y a vraiment une hantise ou si c'est un problème psychologique d'un des personnages. Et d'un personnage et aussi du concepteur de la maison, puisque. Mais dans le livre, ça prend un autre parti pris et le Robert Wise. Il a pris un autre, je ne vais pas dire lequel, mais et ils ont chacun leur truc, mais pour le fait que c'est un film de cinéma et que dans le roman il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en filigrane qu'au cinéma. Et donc les deux choses se regardent et se lisent, pas indépendamment, mais on prend un plaisir à cette histoire. Et même si, et elle est pas compliquée, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout, mais franchement ça vaut le coup. Alors je saurais pas dire s'il faut lire le livre avant ou voir le film après, j'en sais rien, faire les deux en même temps si c'est possible. Mais en tout cas ouais, c'est un peu la matrice aussi de beaucoup de choses, notamment pour Hitchcock, pour tout ce monde là quoi. Et puis on n'a pas cité, mais comme maison de l'horreur, Psychose. Oui. Psychose, c'est quand même le Bates Motel, c'est un peu aussi, ça a un peu conditionné, c'est un peu mis à l'amende tout le monde. Oui, c'est vrai. Ouais. Franchement, et c'est d'ailleurs dans le Mad Movies, il le présente, non, c'est pas dans le Mad Movies, c'est dans un essai sur le cinéma, les figures de l'horreur dans le cinéma, qui est sympa. Je me souviens plus de l'auteur, désolé, je te l'enverrai pour mettre dans la description. Il est vraiment excellent cet essai, et justement il part du principe que Psychose est un film d'horreur et pas un film policier. C'est un film d'horreur, c'est vraiment perçu comme ça. Ouais, c'est la matrice d'énormément de choses. Ouais. Donc effectivement, Chris, c'est la maison de l'horreur. Antise. Comment on l'appelle, la maison? Hantise. La maison du diable en français. C'est le nom du remake. Oui, ben. Ouais. Et moi, je conseille Psychose, tout bêtement. Ouais, franchement, si on le regarde avec un regard plus film d'horreur, moi j'ai regardé comme un policier en fait, Psychose, à l'origine. Bah, et parce qu'on nous l'avait vendu comme ça, Hitchcock policier. Et alors qu'il a fait Les Oiseaux, il a fait des tas de choses. C'est pas Robert Bloch qui avait fait le scénar d'ailleurs. C'est possible, ouais. Qui est une connexion avec Lovecraft, du coup. Encore. ouais. Donc, voilà. Bah, écoute, j'espère que on t'a donné envie. Mais vous l'avez écouté, on vous l'avait envoyé. Oui, moi je l'ai écouté, tu me l'avais envoyé, je l'ai écouté. Ouais. Et j'ai trouvé cool. Ça très bien. Vivement que vous le publiez, puis que vous passiez au suivant. Bah, on travaille tranquillement. Dès qu'on sera, on se sentira prêt, on enregistre, on se fait un conducteur, et puis voilà. Il faut juste qu'on ait le temps. C'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. En tout cas, merci de nous avoir invités. En tout cas, bravo à vous. Vous avez fait 10 sur 10, le sans faute. C'était un plaisir. Bravo. Ouais. Bon, on était trois. C'était un plaisir de vous recevoir. Il y a moins de monde. Ouais. Il y a moins de monde d'habitude. Oui, d'habitude, il y a moins de monde, effectivement. C'est la première fois qu'on ouvre à des invités après le corbeau à la session. Oui, le corbeau était tout seul, et sinon, on a fait tous les deux, quoi. Voilà. Ouais. Le corbeau... Non, il y avait le petit haut. Il y avait le petit haut aussi. Oui, on a fait aussi avec les petits l'année dernière. On en fera bientôt avec du Disney avec les petits. Ouais. Oh, super. Moi, j'adore ça, moi. J'adore les trucs en famille. Moi, je suis... Ah, ça me... Je suis super contente. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, bah, merci à vous d'être venu. Chouette. Et un jour, viendrez chez moi, vous verrez que il peut se passer des trucs, n'est-ce pas, Isa? Si tu remplis les verres, ils se vident. Vous n'avez ça. Disons, quand tu vas chez lui, faut pas s'attendre à ce qu'il sorte pas la console, les micros, tout, c'est... Ah oui, bah ça va, ça s'en doute un peu. Oui. On avait fait 3 podcasts quand ils sont venus chez... C'est tout. Ouais. Ils sont restés que 20 minutes. Non, c'était trop marrant. C'est après mon cas, c'est vrai que j'ai un peu tendance. Ah oui, bah ça va. Oui. D'ailleurs, non, c'est vrai que j'ai un petit peu... Je sais pas si c'est une maladie, ça, de sortir les micros tout le temps, mais bon... Ah, t'étais venu à la maison une fois, et t'étais venu sans micro, mais c'est Véro qui m'a dit « Non, mais je lui dis, range-moi ça. » Ouais, Dany, il l'a toujours à la main. Heureusement qu'on parle d'un micro. Oui, évidemment. J'ai posé l'affaire, tiens. Toujours en train de prendre ses poils en photo, d'ailleurs. Bon... Oh, ils sont beaux, mais... Et puis ils ressemblent de plus en plus à ma barbe. Hein, vous qui avez la caméra. Faut que tu prennes l'autre, il est violet, ça, quand tu crois. On s'y trompe près. Bon, il pourrait se teindre la barbe en violet aussi, Dany, ça lui irait très bien. J'y penserai. À voir. Ouais. Les poils du, superficiel, comme ça, je peux me raser après. Et bon, en tout cas, merci à vous d'être venus, et bravo pour le sans faute. Merci pour l'invitation. Merci. Merci pour tout. Merci, merci à vous. Bah, allez, salut à tous. Bisous. Salut. Salut. Au revoir, salut. Les auditeurs. Salut. Salut. Un petit côté chef suédois dans les Muppets. Oui. Et ça ne nous aide. Galaxy Pop, c'est pour te nettoyer l'âme en profondeur. C'est tout doux et ça désincruste la saleté du quotidien. Avec Galaxy Pop, ton âme est fraîche et respire le bonheur. Galaxy Pop, le label qui te purifie. Galaxy Pop, on va bien s'entendre.